Dans les années 90, pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. Vos 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc honteux à la fin quand même. La playlist. À défaut d'être international au point d'intégrer les pays des soviets, ce podcasteur de longue date, amateur de bonne déconne, est loin de n'être qu'un faire-valoir d'un journaliste ayant la bougeotte. Ce soir, c'est la playlist de Le Milou. Comment ça va? Ça va pas mal, ça va pas mal. En cette magnifique soirée entre un podcast et Podren. Justement, là, il y a eu l'échauffement hier soir. Puis ouais, on va prolonger tout ça. Tu es prêt à assumer ces 10 titres plus 1, ces 10 titres plutôt ouais. Cool. Je pense qu'on en parlera pendant la suite. Et puis ce plus 1 qui va être différent. Ouais, ce que j'allais dire, il y en a surtout 10 bien. Et puis voilà, il en fallait un 11e, quoi. Il en faut toujours un 11e. Et c'est le 11e qui fait mal. Mais non. Soup, hop, hop, hop, hop. Vous allez bien voir la suite. Donc, on va attaquer tout d'abord, attention, avec Soldat Louis, Survivre en ennemi sur l'album En vrai de vrai en 2002. Soldat Louis, 2002. Ils ont fait autre chose que du rhum des femmes, en fait. Et ouais, mais ils ont fait pas mal de choses. Bah, en plus, ouais, là, je t'ai mis un morceau. Il y a 4 minutes 30 d'intro. Ah merde, oui, non, d'accord. Ok, je me suis fait arnaquer, vas-y. Mais ouais, on les a connus en 88 avec la chanson des pochetrons du rhum des femmes et de la bière nom de Dieu. Mais au final, bah, ils continuent de tourner. Ils ont encore sorti un album de mémoire il y a 3 ans, je crois. Et en fait, ils ont énormément de titres autres que du rhum des femmes. Même si j'ai deux albums de leur concert où forcément, elle est toujours demandée celle-là sur la fin. Mais non. Puis ouais, c'est. C'est un peu rock avec des instruments un peu celtiques, donc ouais, c'est un mélange de genres qui me plaît assez. Ouais. Ouais, donc dernier album apparemment en 2016, Kingdom Tavern. Il reste dans cette ambiance un peu alcool, celtique, ouais, marin. Puis, ouais, marin. Ouais, il y a toujours des thèmes qui reviennent, mais il y a quand même des chansons qui sont un peu plus recherchées. Ouais, non, honnêtement, c'est un artiste que j'ai redécouvert. Tout bêtement, y avait une soirée entre potes, j'ai dit tiens, faut que je récupère la chanson de Soldat Louis du rhum des femmes, hein, juste pour déconner en fin de soirée. Et puis quitte à prendre quitte à télécharger sur un service qui était pas le streaming à l'époque, mais enfin bref, je me suis dit quitte à télécharger, je vais prendre tout l'album quoi. Et j'avais pris un best-of qui traînait et en fait, je me suis aperçu que, il a pas fait qu'un titre, quoi. Il en a fait énormément. Survivre en ennemi, c'est un de mes préférés, surtout sur ce concert-là. Juste pour cette intro où tu sens le public derrière, tu sais, qui attend. Ils savent que ça va arriver, mais ils savent pas quand. T'as toute cette intro à la cornemuse avec la guitare qui va arriver un peu plus tard, et ainsi de suite. T'as tous les instruments. Petit à petit qui joue et après il commence à chanter, mais de mémoire c'est qu'il y a 4 minutes 30 je crois à peu près d'intro comme ça. C'était vraiment une redécouverte. Ah honnêtement ouais. Et au final du rhum des femmes je la ressors de temps en temps pour déconner, mais au final c'est une que j'écoute quasiment jamais quoi. C'est ouais, il y a même une. Alors je me rappelle plus sur quel album c'était, mais il y en a une qui s'appelait une Gigando, qui est en fait une critique des politiques et qui malheureusement est toujours d'actualité. T'es vraiment resté attaché à cette ambiance. Bah justement, on avait dit marin, cornemuse. Je vais pas dire un folklore, mais il y a vraiment une ambiance qui reste à travers tous ces albums où ils sont un peu diversifiés au fur et à mesure. Non, il y a toujours cette petite ambiance. C'est non, tu sens bien, t'entends bien la Bretagne. Il y a toujours quelques petites références, à un peu la boisson, un peu aux femmes. Mais enfin, c'est rien comparé au titre qu'on connaissait étant gamin, quoi. C'est juste des petites allusions vite faites, mais à côté de ça, il y a des vrais textes avec des vraies paroles, enfin avec un message à faire passer, quoi. En plus, j'ai vu ils ont commencé en 88 et ils ont été parrainés par Renaud, parce que je me souvenais d'eux surtout avec Renaud. Ouais. Et je pensais même qu'ils étaient membres du groupe, mais non. En fait, ils ont fait les premières parties. Ouais. Non, mais par contre, ils ont mieux vieilli que Renaud. Ouais, mais il est toujours debout. Ouais, debout, ouais, mais bon. Ouais, debout, ouais. Surtout au niveau d'un pilier de comptoir, mais il est toujours debout, ouais. C'est encore des chansons que tu vas sortir, bah, soirée entre potes, à continuer à écouter, ou c'est plus personnel? Après, ça dépend, parce que la plupart du temps, quand tu dis à quelqu'un, bah tiens, je vais te faire écouter du Soldat Louis. Ouais. Qu'est-ce que tu veux m'emmerder avec ça, du Rhum des Femmes, ça va, je connais. Donc après, ça dépend des personnes, Il y en a, je connaissant un peu leurs goûts musicaux, ouais, il n'y a pas de problème. Mais ouais, non, c'est plus... Ouais, Soldat Louis, ce serait plus un petit plaisir personnel, quoi. Ah, on commence déjà par un petit plaisir personnel. Ouais. Et même pas une chanson d'enfance ou autre chose, c'est vraiment une découverte récente. Bah, c'est une chanson d'enfance qui me l'a fait redécouvrir plus tard, quoi. Et ça t'arrive souvent comme ça de récupérer des vieux, entre guillemets, des vieux titres et écouter ce qu'ils sont devenus? Ouais, de temps en temps, mais enfin là c'était vraiment, je te dis, c'est vraiment une redécouverte, quoi. C'est parce qu'il y a d'autres artistes, je vais rester plusieurs années sans les écouter, mais j'aimais déjà plusieurs de leurs albums, je connaissais plusieurs de leurs chansons, et puis je vais revenir dessus et voir ce qu'ils ont refait depuis. Tandis que là, ouais, j'y allais pour une connerie et en fait je suis tombé sur un artiste, quoi, tout simplement. Toujours cette idée, allez, on va boire des coups, on va se marrer, bah, reste entre potes, ça. Par rapport aux chansons ou... Par rapport au podcast aussi. Ah mais par rapport au podcast, même carrément, même si mon binôme de base, il a arrêté de boire, mais comme depuis on en a rapatrié d'autres dans le podcast, ça va. Alors, c'est un truc assez amusant dans ta playlist. Du live, beaucoup de live. J'adore le live. Tu les as vus en live? Je les ai loupés. Ah. Je les ai loupés il y a peu de temps et à cause du podcast, entre parenthèses. Quelle horreur. Ils jouaient dans la salle des fêtes juste à côté de chez moi, donc j'habite juste à côté de Limoges, on va dire en banlieue de Limoges. Et ce même week-end, il y avait un concert de l'apéro du Capitaine. Ah. Ouh. Ah là là, le drame. Ah, t'imagines même pas. C'était aussi le jour de Bretigny. Et mon train, c'était celui qui était en face. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Donc je suis arrivé au concert de l'apéro du Capitaine, c'était l'année où il y avait Corbier, donc je suis arrivé après Corbier, avec 2 ou 3 heures de retard, et au final, ça m'a flingué mon week-end, quoi. Donc j'ai pas pu voir le concert de l'apéro du Capitaine comme il faut, j'ai loupé Soldat Louis à la maison, j'ai tout niqué mon week-end. Il a fallu louer une bagnole pour redescendre, parce que forcément, il n'y avait plus de train. Oh la vache. Alors c'est... Ouais, non. Ouais, mais t'as vu le capitaine? Oui. En plus, il m'attendait quand je lui ai dit qui j'étais. Ah, c'est bon, t'as réussi à venir. Vous avez pas été trop emmerdé par le train? Si, bah si. Bah, c'est bien, c'est que ça reste dans l'ambiance, quoi. Ah ouais, alors, Il compte mon cornemuse, mais c'est déjà ça. Mais tu les suivrais sur un autre live? Tu vas les voir ailleurs? Bah si, s'ils sont à portée de voiture ou autre, ouais, si j'ai l'occasion, sans problème, ouais, j'y vais, ouais. Mais t'as fait beaucoup de concerts ou t'es vraiment très sélectif? Non, je suis pas tant sélectif que ça. À Limoges, on a pas mal de petites salles avec des groupes connus, pas connus. Et dans ma playlist, il y en a que j'ai vu plusieurs fois en concert. Ah, bon, on y reviendra. Ouais. Dès que je peux, j'y cours, quoi. J'adore les lives parce que même si tu connais, j'ai un petit clin d'œil à Kikrine qui disait qu'elle aimait pas les lives parce que il déformait les chansons qu'elle connaissait par cœur. Ben moi, au contraire, tu redécouvres les chansons en live, quoi. C'est une interprétation plus personnelle et moins studio. Ouais, et puis des fois une réorchestration, des fois ils modifient les paroles en fonction de la situation ou de l'actualité, enfin situation politique ou de l'actualité actuelle, enfin. Et c'est là aussi que tu vois les vrais artistes, parce qu'un mec qui chante en playback, en fait, t'écoutes le CD, quoi. Alors que si s'ils mettent toujours la parole, on peut dire que Limoges est la ville la plus rock du monde. Ouais, par exemple. Non, ça fait son petit effet, quoi. Ça... Non, non, je, ouais, non, les lives, ouais, j'y cours à chaque fois que je peux, quoi. Et t'en as fait vraiment beaucoup, t'es bloqué sur un style ou t'es vraiment très très Ah, bah, très enfin, hétéroclite? je pense que ça se voit un peu dans la playlist. Non, je Oui. vais un peu voir tous les styles. Non, j'ai pas. À part où je suis un peu réticent sur le rap, sinon, même si j'en écoute, si j'écoute quelques groupes. Sinon, ouais, non, non, je suis un peu dans tous les styles. Après, je reviens très vite à quelque chose d'un peu plus rock avec une bonne grosse guitare électrique, mais non, non, j'ai pas vraiment de style. Et du coup, ben, c'est comme ça que j'ai sorti mes 10 titres. J'ai essayé de taper un peu dans tous les styles, ce qui m'a un peu facilité la tâche. Marrant, c'est qu'on commence par un titre de chanson française. Et ce sera pas le seul. Non, de mémoire, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Après, il y a des groupes français qui vont chanter en anglais, mais Oui, mais il y aura des groupes français quand même. voilà. Tu as encore cet attrait pour la chanson française, tu continues à découvrir. Moins parce que, enfin ouais, si, c'est quand même des groupes français, mais il y a plein de groupes maintenant, ils ont tendance à chanter très vite en anglais, quoi. Ils abandonnent vraiment la langue française, ou alors on va partir vers des chanteurs paroliers. C'est peut-être un peu moins tacable. Non, ça dépend. Je te dis, j'ai pas vraiment de style. À partir du moment où il y a une mélodie qui me plaît, les paroles, je vais pas aller chercher la signification de chaque parole. Après, forcément, si il chante en français, bah, d'un teint, je vais quand même comprendre une bonne partie. Mais ouais, non, je suis plus attiré par une mélodie et après, je vais voir pour les paroles que l'inverse, quoi. Bah dans ta playlist, on va continuer sur un style différent. Et c'est la première fois qu'on a ce style-là. On va continuer avec Spook and the Gay. Ou de Gway. The Gay. Guay. De The mémoire, il Gway. disait comme ça. The Gway. Anti-Racist Soldier sur l'album En concert 1998. Encore un live. Ouais. Déjà, le poison est entré dans les cités dortoirs comme dans les beaux quartiers. Je vois le bitume politique devient déjà belle au meurtre. De nouvelles chemises brunes, je les plâche tant mieux. J'en ai une sueur froide. Ils ont créé un parti politique infernal qui se fait beaucoup d'amis. Je vis dans un pays qui n'a plus de mémoire et qui jour après jour renie son histoire. Je te prends pour un samouraï pour un croisier en guerre. Avec ta main de meuf pour les dents, pitbull de merde, tu me fous la nose. Et on continue sur la chanson française, c'est tout avec du reggae. Ouais, c'est ouais. C'est la première fois. Reggae, enfin ouais, c'est un groupe qui faisait mélange reggae, ska, enfin ces styles-là, ça c'était ma période de lycée, ça. Ah, vu la date, 98. Ouais. Ah ben je rentrais tout juste. Hein. Ah d'accord, donc t'as bien passé le bac en 2002. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'es pas rentré dans la vague Trio et compagnie? Si aussi. Bah après ouais, Trio, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les Marcel et son orchestre, la Ruda Salska, parce qu'à cette époque-là il s'appelait la Ruda Salska, pas juste la Ruda. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, il y avait du K. Et pas la Mano Negra, Ouais. Matmata. K2R Riddim. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dubbing. Enfin, pareil, à l'époque, ça s'appelait Dubbing Corporation. Enfin, ouais, tous ces petits groupes de ska, ils avaient tous aussi leurs petits titres contre le FN. Mais sur Spook, ce qui m'avait marqué, c'est que, on l'entendra un peu plus tard sur le titre, c'est que le chanteur, à un moment, il a un débit de paroles, mais ça m'a toujours marqué, quoi, sur ce morceau. Mais enfin, pas un débit de parole, un débit de mots assez impressionnant. Mais alors, compréhensible, quand t'as lu les paroles, tu retrouves les mots. Oui. Première écoute, c'est compliqué quand même. Mais ouais. Par moment, faut vraiment s'accrocher, Ouais. ouais. Mais c'est une fois que tu connais le texte, tu vois qu'il le prononce comme il faut, quoi. Il crache pas les lettres les unes derrière les autres et puis on verra bien ce que ça donne. C'est pas du scatman. Non, voilà, c'est ça. Il fait pas glouglou dans un verre. Il a vraiment un texte à faire passer et qui est malheureusement toujours d'actualité. Alors pourquoi ce titre-là en particulier, Anti-Racist Soldiers ? Pour le thème, d'une part, parce que même si l'album est sorti en 98, moi je l'ai beaucoup écouté dans les années 2000. Donc pour ceux qui se souviennent les années 2000, il y a eu des élections. Il y a eu les élections en 2002, mais juste avant, il y a eu le 11 septembre, donc ça a commencé un peu comme ça fait actuellement, hein, l'insécurité, machin et compagnie. Oui. C'était déjà pas mal à l'époque, c'est pire maintenant. Donc, ouais, le thème, et puis je te dis, ce passage où le chanteur, il m'a toujours foutu sur le cul, quoi. Ce CD, c'était un tout petit album, il n'y avait que 6 titres. Il y avait que 6 titres de live et je sais qu'avec les potes il a cet album, on se l'est tous passé, on a dû l'acheter plusieurs fois chacun parce qu'il a le prêté à droite à gauche, on en a paumé, on en a rayé. Donc voilà, c'est. Il y avait même une vidéo de live dessus. C'était un CD qui avait deux gravures. Donc. Qu'on pouvait lire dans une PlayStation. Ouais. Et puis t'avais un. C'était pas un point move à l'époque, ça devait être un. Je sais même pas si c'était un AVI ou je sais pas quoi. Point QT. Ou MPEG 1, peut-être bien, ou une connerie dans le genre. Ouh là là. Ah oui, non, merde. C'est une qualité de merde. Hein. Ça t'est resté ça, ce côté, on va dire, un peu revendicatif, surtout dans les paroles, parce que c'est le deuxième titre en français, deuxième titre un peu revendicatif. Bah ouais, c'est. Je te dis, puis ouais, c'était à ce moment-là, c'était vraiment d'actualité, quoi. Et puis ouais, enfin. Enfin. J'écoute plus tellement dans ce style-là. Enfin, j'écoute plus tellement. J'écoute les albums que j'ai déjà, mais je vais plus trop chercher dans ce style. Et comme je te dis, ouais, à cette époque-là, tous les groupes avaient leurs petits titres. Leurs petits titres pour essayer de remettre les idées en place, de faire ouvrir les yeux aux gens, mais visiblement, ça n'a pas servi à grand-chose, malheureusement. Et ouais, et celui-là, parmi tant d'autres, il est resté, quoi. Est-ce que cette époque lycée a vraiment été formateur dans ton goût de la musique ? Ouais, énormément. Énormément. Un truc tout bête, j'étais interne quand j'étais au lycée. J'ai fait 4 ans d'internat. C'est là que j'ai commencé à me séparer de la télé et de la radio. Parce que la télé, au final, on l'avait pas là-bas. Ce qui était pas un mal. On avait bien un foyer avec un magnétoscope où on pouvait regarder quelques cassettes quand personne n'était là parce que légalement on n'avait pas le droit. Et après, du coup, pour écouter de la musique, on pouvait toujours capter de la radio, mais en fait, on s'échangeait plus les CD qu'on avait. J'ai découvert pas mal de groupes, de styles, de musique. Et c'est là aussi que j'ai commencé à faire pas mal de concerts. Donc, le lycée, niveau musique, ça m'a fait découvrir énormément de choses, quoi. Est-ce que tu les as vus en live aussi ? Parce qu'apparemment, encore un album en concert. De mémoire, oui, je les ai vus en concert, les Spooks, ouais. Ce qui d'ailleurs n'est plus possible, puisqu'ils ont arrêté en 2005. Ils ont dissous le groupe en 2005. Ils avaient 4 albums au total, 3 studios et donc un live. Et ouais, de mémoire, je les ai vus en concert, ceux-là, ouais. Ils avaient même un... Mais je crois qu'il est il était sur le CD du live. Ils avaient un morceau qui s'appelait... Alors, de mémoire, c'était Money 2, ou le chiffre 2. Et ils avaient récupéré des... Enfin, le refrain, c'était le générique de Tom Sawyer. Oula. C'était un morceau du générique de Tom Sawyer. Faut que je le retrouve, celui-là. Ouais, je pourrais te l'envoyer parce que je sais pas si tu peux le trouver. Vu que le groupe maintenant n'existe plus, je sais que déjà sur iTunes, ils ont que leur dernier album. Leurs autres albums sont quasiment introuvables. Je mettrai un lien bonus si je le trouve. Au pire, je l'enverrai, mais je les ai vus en concert. Ouais. Ne serait-ce que pour le morceau Tom Sawyer, c'est sûr, je les ai vus en concert. Parce qu'en général, ils le mettaient à la fin du concert et c'était la folie dans la salle, quoi. Ça sautait dans tous les sens. c'était vraiment entre le reggae et le ska, entre le reggae un peu plus tranquille puis le ska un peu plus speed. Ouais, ils avaient un peu tout dans leur... ils ratissaient un peu dans tout, ouais. Ils avaient des morceaux, ouais, plus ska, d'autres plus posés, enfin... Après, ça restait toujours à peu près... Et t'es resté dans le ska comme ça? Ou c'est vraiment un genre que t'as quitté? J'écoute encore les groupes que j'écoutais à l'époque, mais c'est plus tellement un style que je vais chercher maintenant. Je les écoute pour le souvenir. Enfin, pour le souvenir... personne n'est mort, hein, mais oui. Pour le souvenir d'une époque. D'une époque, ouais, de l'époque lycée qui m'a... Ouais, qui m'a fait connaître pas mal de personnes que je connais encore, qui m'a fait, ouais, découvrir pas mal de choses. Et, donc, ouais, c'est... Même si de temps en temps, je vois, tiens, tel groupe que j'écoutais à l'époque a sorti tel album, tiens, je vais aller voir ce qu'ils ont fait de nouveau, mais... Enfin, je reste sur leurs vieux albums la plupart du temps, quoi. Tu as un peu arrêté de découvrir de la musique à droite à gauche? C'est plutôt ton truc? Non, je continue à en découvrir. Même j'adore ça. Mais ouais, enfin ouais, c'est plus vraiment un style où je vais aller chercher, quoi. Je vais rester sur mes acquis, on va dire. J'ai regardé un peu les années des titres de ta playlist. On a un spectre assez large des années 90 jusqu'aux années 2010. Voire 2014, c'est encore assez récent. Mmh. 2014 justement pour le prochain titre. Ouais. De Skip the Use, The Wrong Man, bah, encore en live sur l'album Little Armageddon. Yes. Que je connais. Ouais, Skip the Use, ouais. Eh ben, ceux-là, je les ai vus déjà deux fois en concert sur Limoges, dont cet album-là. Par contre, j'ai pas eu cette version-là, parce que cette version-là, justement, c'est pas n'importe laquelle. Elle a été jouée que au Zénith de Lille, quand ils ont sorti leur nouvel album, Little Armageddon. Et le petit plus de cette version, c'est les cuivres qu'on entend derrière. Et j'ai l'impression qu'on peut pas avoir de ska sans cuivre. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'à la base, sur leur album, il n'y a pas de cuivre. Et quand tu les vois en concert, en dehors de celui qui a été enregistré, il n'y a jamais les cuivres. La petite histoire, en fait, c'est que Skip the Use, il y a des membres de Skip the Use, dont le chanteur, à la base, ils avaient un petit groupe, parce qu'ils sont du côté de Lille, ils sont originaires de Lille, enfin, ou ses environs, ça doit pas être Lille même. Ils avaient un groupe qui s'appelait Carvin et qui était un peu plus punk dans le style. Et la première scène qu'ils ont faite, c'est les Marcel et son orchestre, je sais pas si tu connais. Oui. Donc qui sont très connus du côté de Lille, qui les avaient pris en première partie. Donc la première scène qu'ils ont faite, d'ailleurs ils le disent pendant le concert là, c'est grâce aux Marcel et son orchestre. Et en fait, les cuivres que t'entends, c'est les cuivres de Marcel et son orchestre. Marcel et son orchestre, ouais, d'accord. Voilà. Sauf à un moment où il y a un petit air de saxo, ou un autre saxophoniste dont le nom est cité, mais j'ai bouffé son nom. Et ouais, dans cette version, ouais, avec les cuivres en plus, ça te porte, t'as envie d'aller chanter et danser avec eux, quoi. Ça me met envie de sauter et de bouger. Ah ouais. Mais troisième groupe français. Ouais. C'est une manie? Non, pas spécialement, parce que je crois que ça doit être les derniers français. Je suis en train de fouiller, apparemment oui, c'est les derniers. Enfin, les derniers avouables. Ouf. Non, mais ça, tu assumeras plus tard. Mm. C'est autre chose. Donc, encore live. Ouais, j'ai fait pas mal de live, ouais. Et justement, ce que t'as dans le live, tu vois, comme tu disais que c'était la redécouverte des titres. Est-ce que eux, cette énergie en live, ils l'ont aussi? Skip the Use? Ouais. Ah ouais, non, ils sont phénoménales sur scène. Le chanteur, la Matt Bastard, mais c'est une vraie puce, quoi. Il tient pas en place. Ah non, ils sont... Ouais, je les ai vus déjà deux fois sur Limoges. Et la première fois que j'ai été les voir en concert, je savais même pas qui c'était. La seule chose que je savais, c'est que c'était le groupe qui avait fait Ghost, qui avait été vu dans le Petit ou le Grand Journal, je me rappelle plus à l'époque. C'était une chanson qui avait servi de générique, je crois, à une de leurs émissions, ou un truc dans le genre. Ça me dit rien du tout. C'est avec la chorale des gamins. C'est un titre très connu de Skip the Use, normalement. Oui, alors non, je rappelle, j'ai absolument aucune culture musicale, ne vous inquiétez pas. Et tu chercheras, tu vas forcément reconnaître. Je suis à peu près sûr que tu l'as entendu, sans savoir que c'était deux. Mais je suis prêt à parier que tu l'as déjà entendu, Ghost. Et donc ouais, on m'a dit, ouais, il y a un concert sympa, dans une petite salle, ça devait être 15€ le concert, une connerie comme ça... Ouais, ils ont fait. Qu'est-ce qu'il y a comme type de. Que je pourrais connaître. Et on a sorti Ghost, j'ai dit ouais, bah allez, ça se tente, on y va. Et du coup, j'ai découvert le groupe comme ça, j'ai découvert le groupe pendant leur concert, et je suis sorti du concert avec le CD. Et depuis, quand ils passent, j'y vais. J'y vais direct, je réfléchis même pas. Et tu vas souvent à la découverte au concert comme ça? C'est régulièrement. Sur Limoges, il y a pas mal de petits bars qui ont une cave avec une petite scène et qui font venir des groupes comme ça. J'ai fait des concerts à 5€, des artistes qui venaient du Luxembourg ou autre, qui sont venus se paumer à Limoges pour 5€ la place et jouer. Et j'ai trouvé pas mal de petits groupes sympas comme ça. Le dernier, j'ai le droit de dire le nom ou c'est... On a eu bien pire en arnaque, donc vas-y. J'avais découvert comme ça un petit groupe qui s'appelle Mutiny on the Bounty. Alors, je le dis sûrement très mal. Je sais pas si c'est vraiment du post-rock, mais c'est dans le genre post-rock. Mais Enfin, tu t'évades, quoi. Il y a une guitare, une batterie, et ils sont partis, quoi. Avec des effets de pédale et compagnie. C'est un très bon souvenir de terre. Et tu rentres là-dedans, tu dis, 5€ le concert, au pire, je vais aller boire un coup avec les potes, et puis ça ira bien, quoi. Et puis, tu repars avec le vinyle dédicacé sous le bras parce que t'es sorti du concert et que tu voulais encore les écouter, quoi. Beaucoup de vinyles chez toi, ou c'est juste de la collectionnite? C'est surtout de la collectionnite. C'est parce que maintenant acheter un CD, ça sert à rien. Faut être honnête. Les rares CD. Pour écouter la musique quand on n'a plus de réseau. Je sais que sur mon téléphone j'ai téléchargé ce que j'écoute le plus souvent, donc même si j'ai plus de réseau je peux quand même écouter ma musique, donc c'est mort. Les rares CD que j'achète, c'est en sortie de concert. Si je vois que l'artiste il vient pour dédicacer, je vais prendre le CD pour me le faire dédicacer. Mais le CD je l'écouterai quasiment jamais en tant que CD. Je vais écouter la musique, mais le CD j'arrive chez moi, je le fous dans le PC, ça me l'encode et puis basta, quoi. Ou même des fois, les morceaux, je les ai déjà parce que je les ai eus sur Apple Music ou ailleurs, quoi. T'es un gros consommateur de musique en ligne? À la maison, il y a tout le temps de la musique qui tourne. Bon, là, j'ai fait une exception pour pas que t'aies un bruit de fond, mais... honnêtement, il y a toujours de la musique qui tourne, quoi. Si c'est pas la musique, c'est parce que je suis en train de regarder une série ou de faire autre chose où il me faut mes oreilles, quoi. Mais même au boulot... J'ai toujours ou de la musique ou du podcast dans les oreilles, quoi. Spotify, Deezer ou autre chose? Je suis sur Apple Music, moi. Apple Music, ah. Quoi, ah? Apple Fan. Non, mais je connais pas trop l'offre. C'est Apple la même Music, que les autres. Donc, hein. C'est le même tarif, c'est la même offre. Hein. Le seul truc, c'est si j'ai pas pris Spotify ou autre, c'est tout simplement parce que j'avais déjà toute ma musique sur iTunes. Et qu'avoir une deuxième application et me dire « alors attends, si je veux écouter tel album, faut que j'aille sur Spotify, si je veux écouter ça, faut que j'aille ailleurs. » Donc Apple est arrivé avec Apple Music, j'ai tout dans la même application, puis ça me va très bien. Comment tu fais quand tu as un artiste que tu n'es pas dans la liste, qui n'est pas chez Apple? Je le rajoute. Parce que j'avais déjà, avant qu'ils ouvrent Apple Music, ils avaient fait ce qu'ils avaient appelé iTunes Match. C'est alors, ils en font plus trop la pub, même si c'est si c'est encore actif. C'est pas DJ Genius aussi pour retrouver les titres que Non, ça j'écoute jamais. Ça. Enfin, je l'utilise jamais. C'est moi. Enfin, on me suggère pas la musique que j'écoute. C'est moi ce qui la suggère. Non, je préfère la. Ou que quelqu'un me le suggère, mais en me disant, mais voilà, tiens, regarde, j'ai trouvé tel artiste, je te passe le CD, ou je te file le lien sur YouTube, ou autre. Écoute, tu vas voir si ça te plaît ou pas. Ou moi, je vais aller chercher moi-même, en me dire, tiens, tout simplement sur des compiles, tu vois qu'il y a un artiste que tu connaissais pas, tu vas aller chercher, voir un peu ce qu'il a fait. Mais non, le truc Genius là, de iTunes, j'ai jamais utilisé parce que le peu de fois où je l'ai ouvert, ça m'a proposé des merdes. Tout simplement. Non. Non. Et ouais, donc j'avais commencé avec iTunes Match et en fait, ça scannait toute ta bibliothèque de musique que tu avais sur ton PC. Ça comparait, enfin, ça le fait toujours d'ailleurs, ça comparait avec le store d'Apple. Et ce qui était sur le store, ça te le rendait disponible en téléchargement ou en streaming via le store d'Apple. Et ce qui n'était pas sur le store d'Apple, ça l'uploadait sur leur serveur. Enfin, ça l'upload sur leur serveur et tu peux l'écouter ou en stream ou le retélécharger sur ton téléphone ou ton PC, enfin, partout, quoi. Ils t'ont pompé ta bibliothèque musicale, quoi. Ouais, enfin, ce que j'avais pris chez eux... était disponible partout, n'importe où, n'importe comment, comme Apple Music maintenant, sauf que ils considéraient en fait que si je l'avais sur mon PC, c'est que je l'avais payé. Donc ils me le rendaient dispo. Et ça... C'est spécial comme deal. C'est pour ça qu'ils en font pas trop la pub, parce que les ayants droit avaient moyennement apprécié, quoi. C'était passé parce que c'était Apple et qu'ils ont dû mettre un paquet de pognon sur la table, et puis vous fermez votre gueule, en gros. Mais et ça marche toujours, ce qui fait que mes vieux albums de Spook et compagnie, tu les trouves nulle part ailleurs, mais je peux les avoir dispo à tout moment. Si j'ai du réseau, je peux les récupérer parce que je les ai dans ma bibliothèque et que Apple les a scannés et les a uploadés sur ses serveurs, mais c'est dispo que pour moi, par contre. Ah oui, d'accord. Donc ils récupèrent pas non, le non, titre. Non, il y a mon idée qui est bloquée dedans... je pourrais t'envoyer, parce que j'avais fait ma playlist sur Apple Music pour les titres de ce soir. Je pourrais te l'envoyer si tu veux la mettre en lien, mais tous les morceaux genre Spook, ils seront pas disponibles, quoi. Personne pourra les écouter à part moi, quoi. Ouais, d'accord. Alors, tu as dit que c'est toi qui décidais de ta musique et qui la découvrais. Tu fais souvent, entre guillemets, de la pub, tu fais découvrir beaucoup de choses aux autres. Je cible. Parce que justement, j'écoute pas mal de styles divers et variés. Donc quand je conseille à quelqu'un, je sais à qui je m'adresse et je vais aller dans le sens de son poil. C'est-à-dire que je sais que si je lui propose tel style, c'est sûr que ça va pas passer, quoi. Donc, j'aime assez faire découvrir aux autres aussi. Tu fais office en quelque sorte d'éclaireur. Si on veut. Après, je me garde aussi quelques titres rien que pour moi. Espèce d'égoïste. Oui, tout à fait. Pour ça, ouais. Ouais. C'est, ouais. Bah, c'est, ouais, on a tous nos petits plaisirs personnels. Oui, tu as dit que tu n'utilisais pas Genius, tu n'utilises pas non plus les services de découverte de titres similaires sur Apple. Non, parce que je te dis, la plupart du temps, ça me propose des trucs ou que je connais déjà, ou des trucs merdiques. C'est très rare que ça me propose quelque chose de vraiment pertinent, comme on dit. Mais alors, comment tu découvres ta nouvelle musique? Je te dis, ouais, par l'intermédiaire de compile. Dans la semaine, j'ai découvert un groupe qui fait du metal a cappella. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la réflexion que je me suis faite aussi. Et je les ai découverts tout simplement par un... Ils ont participé à un album tribute to un autre groupe de métal qui s'appelle Sonata Arctica. Et ils ont repris un de leurs titres dans cette compile. Et qui était. Enfin, que j'ai. Enfin, quand je l'ai entendu, j'ai dit tiens, faut que j'aille voir quand même ce qui. Parce que c'était quand même assez, assez bizarre, même s'ils sont un peu accompagnés en fond de quelques guitares ou autres. Mais il y a énormément d'instruments qui sont joués à la bouche, du coup. Des instruments joués à la bouche. Des instruments, pas vraiment des instruments, mais il donne le rythme. Enfin, t'as un gars qui donne le rythme derrière, mais c'est lui qui le donne a cappella. C'est ouais, non. Ouais, faudrait que je l'envoie à Walter au cas où. Que tu me l'envoies d'abord. Je veux écouter ça. Ça s'appelle Van Canto. Je veux. Il faut que je mette le lien VAN absolument. plus loin, Canto, CNTO. Je vous mettrai le lien. Je suis sûr qu'il y en a sur YouTube. Et du coup, ouais, ils reprennent pas mal de titres à droite à gauche. Et ouais, non, c'est sympa. Honnêtement, c'est sympa. Van Canto Wishmaster. Ouais, je l'ai pas encore écouté la version de Witchmaster, mais ouais, ils ont ça, ils ont Final Countdown aussi. Donc toute l'intro faite à la bouche. Je suis en train d'écouter. Faut écouter, c'est génial. Honnêtement, ouais, je te dis, c'est ouais dans une compile avec pas mal d'autres artistes. En plus sur un titre que j'aime bien de Sonata et je tombe là-dessus, je dis putain, mais faut que j'aille voir ce qu'ils font, quoi. Faut que j'aille voir s'ils ont des albums, et ils en ont quand même pas mal. Ils en ont 4 ou 5, je crois que j'en ai récupéré 4 ou 5 là. Ah bon, il y a quand même une batterie en vrai, hein. Oui, il y a quelques accompagnements, mais il y a quand même énormément de choses qui sont faites à la bouche. Ah non, mais le mec qui fait la basse à la voix, c'est génial. Oh, il y a Ah ouais. Master of Puppets. Ouais, non, mais ils ont énormément de titres de repris comme ça. C'est. Oh, mais c'est génial! Mais c'est trop bien! Ah oh, Mais oui, ouais, le Master. voilà. Ah, oh, il est bien le Master of Puppets. Donc voilà en gros comment je découvre, ouais, par des compiles, des. Puis si, ouais, si, allez, quelques suggestions, mais pas Genius, YouTube. Ah, quand même. Mais ouais, c'est assez rare parce que je suis pas un grand fan de la recherche YouTube. J'y vais parce qu'on me dit, ouais, faut aller voir ça. J'ai quelques abonnements de chaîne. Enfin, j'allume YouTube, je regarde un truc et je me casse, quoi. Je vais pas. C'est très rare que j'aille fouiller dans les suggestions. Mais ça arrive. Tu disais que t'étais pas très télévision, radio, tout ça, et pourtant tu fais podcast. Comment ça se fait? Bah, c'est justement parce que je suis pas télé ni radio que je fais du podcast. Non, c'est pas comme ça. C'est possible aussi. Non, parce que. Enfin, la télé m'a très vite saoulé. Parce que enfin, je trouve ça inintéressant en fait. Ce qui m'intéresse, j'ai d'autres moyens de le voir, et beaucoup plus tôt que d'attendre 3 ans que ça arrive à la télé. Les émissions maintenant, même sans regarder la télé, t'entends parler de certaines. En général, si t'en entends parler, c'est que c'était pas terrible. Oui. Non, je me suis débarrassé de tout ce qui pouvait me diffuser les chaînes télé à la maison. Il restait encore une vieille antenne râteau et une parabole que j'ai descendue avec aucune précaution du tout pendant les vacances. Ouais, non, non, la télé, je sais pas. Enfin, à part si, ouais, des fois je vais chez mes parents, donc eux ça tourne, ça m'arrive de jeter un œil, mais ça me conforte et quand je rentre chez moi, je suis content de ne pas la voir, quoi. Oui, ça reste la boîte qui fait du bruit en permanence. Ouais, puis c'est toujours la même chose, quoi. Enfin, Tu n'aimes pas Joséphine Ange Gardien? ah, carrément pas, non. Mais même là, c'est tout le temps la même chose, quoi. J'en ai vu des Joséphine Ange Gardien, mais enfin le mec qui fait les scénarios, quoi, il en a fait un et puis ils ont fait 500 épisodes avec, quoi. Ah, c'est comme la petite maison dans la prairie, c'est pareil. Ouais. Petite maison dans la prairie, j'ai pas assez regardé. Je connais parce qu'on connaît tous, la gamine qui se casse la gueule dans la pelouse, là, mais. Ça, c'est métal, par contre. Jamais vraiment suivi ça non plus, quoi. Ça t'a jamais repris. T'as jamais continué YouTube ou alors, je sais pas, Twitch pour les streams jeux vidéo ou autre chose. C'était musique, musique, musique. Ouais, et puis après, si, les films et séries, mais. Merci Netflix, quoi, maintenant. Ah tiens, justement, abonnement Netflix. Ah ouais. Ah d'accord. Bah, ça me coûte moins cher que la redevance télé. Ah oui, c'est pas faux. Bah, et puis je fais le programme que je veux, à l'heure que je veux. Si ça me plaît pas, je change. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Il regardait dans son pieu sur un petit ordinateur, c'est tellement bien. Ouais, bah oui. Tu regardes. Ça m'est même arrivé de regarder au boulot. Mais ça, faut pas Oh. le dire. Moi aussi, mais chut. Je fais les samedis, alors bon, bref. On va passer outre ces petites choses, on va passer surtout à la suite, avec Within Temptation, ouais. Somewhere sur l'album Black Symphony en 2008, et c'est encore un live. Une manie. Ouais. Les plus symphoniques. Bah alors en fait le truc c'est que c'est du métal. Alors des fois c'est classé en gothique, des fois c'est classé en symphonique. Enfin bon, c'est du métal. Ouais, c'est spécial les classements la Fnac. Hein. Ouais, enfin tous les classements. Enfin, enfin voilà, c'est de la musique. Quoi. Faut tout mettre dans des cases maintenant. Enfin bref. Alors ce morceau-là, il a été joué pendant un concert, alors l'album il est de 2008, c'est un concert qu'ils avaient fait où ils étaient accompagnés d'un orchestre symphonique, ce qui n'est pas le cas sur leur album studio, et cette chanson-là, elle est à peu près au milieu du concert, où en fait, pour se poser, ils font toute une partie en acoustique. Ils font quelques titres en acoustique. Et donc t'as juste un piano au milieu de la scène. Donc t'as l'orchestre symphonique derrière. Et la chanteuse qui attaque la chanson. Et là on entend, il y a une deuxième chanteuse qui vient les rejoindre. Et en fait cette chanteuse-là, elle commence à chanter dans les coulisses. Et sur le morceau, tu sens le public, d'un seul coup ils ont un blanc. Parce qu'ils entendent une deuxième voix. Il voit personne et d'un seul coup, pof, t'as la deuxième chanteuse qui arrive et le duo est magnifique. J'ai toujours des frissons quand je l'écoute et là c'est encore le cas. C'est vrai que ça, les deux voix fonctionnent très très bien. Ah ouais, c'est. Et pareil, là cette version du morceau, tu l'as que sur ce live là quoi. Alors que sur ce live là, dans cette version là. Parce que après le succès de ce titre-là, ils avaient refait après un album tout acoustique où ils avaient rappelé la chanteuse. Alors elle s'appelle Anneke avec un nom de famille, je me rappelle plus, avec plein de consonnes et pas beaucoup de voyelles. Black Gaffron. Ouais, un truc dans le genre. Et ouais, ils avaient refait un concert tout en acoustique avec cette chanteuse. Mais cette version, la version que j'ai choisie là, elle est vraiment au-dessus de tout quoi. Il y avait la surprise, personne n'attendait ce duo là. Et magnifique quoi. Après c'est pas un titre qui est représentatif du groupe, parce que ouais, d'habitude c'est un peu plus criard, t'as de la grosse guitare électrique, donc c'est pas le meilleur titre pour les représenter eux, mais pour moi c'est quand même un de leurs meilleurs titres. Alors je vais tenter une cascade, je suis un professionnel, ne le faites pas chez vous. Anneke van Giersbergen. Voilà. Van Giersberg, enfin bon, un truc comme ça. J-U-R-S-B-E-R-G-E-N. Avec Van avant. Et ben, tu vois, du coup, c'est aussi par ce biais-là que j'ai découvert cette chanteuse-là. Donc j'ai écouté les autres albums qu'elle a sortis, elle, de son côté. Qui est très sympathique, mais j'accroche moins que là où elle est en duo avec Within Temptation, quoi. Mais alors comment ça, c'est vraiment ce duo là, cette différence par rapport au titre plus métal et classique de ce groupe là qui t'a fait choisir ce titre là en particulier? Ouais, c'est vraiment un titre, il me fait frissonner à chaque fois quoi. Elles ont deux voix magnifiques et puis ouais, c'est le cumul, c'est les deux voix, c'est l'orchestre symphonique qui est derrière, un morceau en acoustique alors que d'habitude c'est de la guitare électrique et du synthé et de la grosse batterie. Enfin, c'est un cumul de plein de petites choses qui fait que ça en fait un morceau unique quoi. Ce groupe-là, tu les as vus en live? Malheureusement, non. Il passe de temps en temps. Rarement à Limoges. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, on a un Zénith, alors peut-être, je croise les doigts. Mais ouais, ils sont passés il y a 2-3 ans à Paris, mais voilà, faut monter à Paris. Puis bon, quand on est habitué à l'air pur, Paris, c'est pas terrible. C'est compliqué, puis c'est loin. Puis surtout, chaque fois quand tu y vas, il y a un train qui se pète la gueule. Ouais, c'est, j'ai jamais repris le train depuis, mais... Mais c'est marrant, cette ambiance, on va dire, un peu entre guillemets métal symphonique, etc. Ça me rappelle Nightwish. Ouais, mais on en reparlera, je crois, de Nightwish. Ah bah c'est bizarre, il y aurait comme une idée de transition, ouais. Comme ça, un peu étrange. Mais de toute façon, ouais, c'est par Nightwish, en fait, que j'ai découvert Within Temptation. Parce que pareil, il me semble de mémoire, alors je me rappelle plus si... J'avais découvert Nightwish, ça par contre, je sais, c'est dans un AMV d'un manga qui est Bleach de mémoire. Alors c'est quoi un AMV? Alors un AMV c'est enfin l'acronyme, ça veut dire Anime Music Video. En fait c'est des fans de musique et de manga, enfin d'anime, qui récupèrent des vidéos d'anime, qui font un montage sur une vidéo, qui font un clip avec des bouts d'anime quoi. Et ouais, et de mémoire, ouais, celui-là, enfin Nightwish, je les avais découverts donc dans un animé, je crois, il me semble que c'était avec Bleach. Et puis après, j'ai dû chercher d'autres groupes de métal du même type sur Google et j'en ai découvert tout un tas. D'ailleurs, ça pourrait presque faire une spéciale, ça, une spéciale métal nordique. Ne me tente pas. Ça peut être très tentant. Ah ouais, non. Faut trouver les spécialistes. Ah mais je postule. 10 titres, ça va être compliqué, en trouver que 10, mais... mais c'est ce qui passe à chaque hors série, il faut en trouver 10. Ouais, ouais, non. Allez, ah, 10, on va les trouver, les c'est pour s'arrêter à 10. Il faut choisir. Il faut choisir. Ouais. Et, mais en plus, il me semble que le... Ah, mais si, je suis con, c'est l'ancienne chanteuse de Nightwish qui a fait récemment un duo avec Within Temptation aussi, sur leur dernier album, qui s'appelait le Hydra, de mémoire. En fait, c'est pas de mémoire, je suis sûr. Et t'es resté accroché à ce style-là? Ouais. Metal symphonique. Ouais, metal symphonique, j'y reviens très vite. C'est ouais, c'est enfin même enfin tout ce qui est metal, en fait, j'y reviens très vite quoi. Je vais souvent voir ailleurs, mais ce serait ma musique de base, on va dire maintenant. Bon, on parlait de Nightwish. Ouais. On parlait d'une chanteuse. Ouais. Peut-être parler carrément de quelqu'un d'autre, et bizarrement du même groupe Nightwish. Alors, il a un nom à coucher dehors. Tuomas Holopainen, ouais. Avec Duel and Cloudscapes sur l'album The Life and Time of Scrooge. Alors, dans ma fiche, j'ai mis un gros oui en majuscule. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, en 2014, bah, c'est trop fort. Je pense qu'on va en parler longtemps dessus là. Ouais. Toujours des intros interminables. Ah ouais. Et enfin. Mais celui-là. Ouais, enfin. Même tout l'album. Enfin, tout cet album-là, c'est. Tout l'album est formidable. C'est pareil, là, ça a été une claque auditive, cet album. Enfin, je suis tombé dessus, mais par un putain de hasard, quoi. Enfin, j'étais en train de me promener sur au bord de la rivière 411. Et puis je vois ce machin passer, dans la catégorie musique, je vois Picsou, qu'est-ce que c'est ce bordel. Je regarde le nom de l'artiste, ça me dit quelque chose, je regarde un peu sa bio, ah bah oui, bah, c'est un des membres fondateurs de Nightwish. Et puis je dis bon, bah, je vais le récupérer, quoi. Je vais écouter, voir ce que ça donne. Putain, Le MP3 arrive, je commence à écouter ça. Je me dis, mais putain, mais. Ça sort d'où, quoi? et je commence à chercher sur Amazon pour commander le CD, et en fait il était tu le trouves pas. Ouais, il était pas encore sorti. Lui, il est en précommande. Il sortait, je sais plus, une semaine ou 15 jours après. Et du coup, j'ai précommandé quoi. D'ailleurs, j'ai précommandé le. Je sais pas si t'as le CD toi. Oui. Et j'ai son collector. Ouais, et il est introuvable maintenant. Tu peux plus le trouver. Mais attends, dédicacé par Don Rosa, merde. Ouais, enfin. Puis oui, en plus, il y a énormément de choses qu'on fait que. Enfin, il me le fallait quoi. T'avais Nightwish, qui est un groupe que j'aime bien. Et Don Rosa, enfin, quand j'étais gamin, c'était la jeunesse de Picsou. Quand Don Rosa l'a sorti, c'était dans Picsou Magazine quoi. T'avais ton petit chapitre. Alors je sais plus, Picsou Magazine, je crois que c'était tous les mois, quelque chose comme ça. T'avais Maxi Picsou Géant qui était tous les mois, mais t'avais une histoire de Picsou dans le journal de Mickey. Ouais. Oh, c'était souvent dans Donald. Mais la jeunesse de Picsou était sortie chapitre par chapitre dans Picsou Magazine. Ça devait être dans un Maxi Picsou Géant, ouais. Un truc comme ça. Et ouais, et maintenant je sais qu'ils ont refait une édition cartonnée, là, magnifique, mais qui coûte ouais, la peau du chez cul. Chez Glénat, qui coûte la peau du cul, ouais. 30 euros par volume. Ouais, ouais. Elle est géniale, il faut se... Si vous aimez Picsou, allez-y. Ah ouais, mais de toute façon, un de ces quatre, elle va arriver à la maison, celle-là. Hein. Parce que la partie jeunesse, vraiment jeunesse, je crois que ça fait que 2 ou 3 tomes, de mémoire. Oh, un peu plus que ça. Et après, ça va très loin après. Hein. Parce qu'ils ont, oui, ils ont oui. Continué à en sortir, peut-être 4, remarque, la jeunesse. Je crois que ça en fait 4, ouais. Je me suis arrêté pour l'instant avec l'apparition de Goldie. Ah ouais. Et la sortie du Klondike, mais il y a encore la suite. À 4, ils en sont que là ? Ah ouais, non, il y en a carrément plus. Non, ils en ont lancé tout 8 là. Ah ouais. Ah ouais, non, mais en fait, si j'en ai pas acheté encore un seul, c'est parce qu'il y en a trop derrière, quoi. Et que si j'achète le premier, il faut que j'achète les autres, quoi. De toute façon, t'y passeras. Ouais, mais je sais. T'as pas le choix. Je sais, c'est. C'est, enfin, pour l'instant, c'est psychologique, quoi. J'ai pas acheté le premier, quoi. Mais ouais, non, ouais, c'était le cumul de tout ça, quoi. C'est un groupe que j'aimais bien. Et puis, ouais, non, c'est. Enfin, voilà, j'ai mis ce titre-là parce qu'il fallait en mettre un, mais enfin, tout l'album, quoi. C'est. Tout l'album est ultra épique. C'est vraiment l'aventure de Picsou telle que l'a dessiné Don Rosa. Ouais, c'est. Enfin. Quand je l'écoutais, j'étais comme un gamin, quoi. Je revoyais l'histoire que j'avais lue 10-15 ans avant, quoi. Mais tu entends le Klondike, ouais, tu entends l'aventure, tu entends tout. Et puis, ouais, j'aurais. Enfin. En fait, là, j'ai eu beaucoup de mal à choisir un titre parmi l'album. Et si, en fait, si j'ai pris celui-là, c'est qu'en fait, t'as plusieurs rythmes dans le même morceau et à lui tout seul, il raconte déjà plusieurs histoires, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres, même si ils sont tous très bien, quoi. Enfin, il n'y en a pas un acheté, quoi. Ça va de sa jeunesse avec la découverte du sous-fétiche. Ah ouais, c'est. Mon premier souvenir. Je me suis même racheté le vinyle derrière, quoi. Ça doit être l'album que j'ai acheté 3 ou 4 fois, quoi. Ouais, je dois avoir à peu près toutes les versions possibles, quoi. Surtout illustré par Don Rosa lui-même. Ouais, quoi. Ouais, bah ouais, il y a. Bah, il est, d'ailleurs, Thomas est en photo avec Don Rosa. Avec lui. C'est lui qui a dessiné la pochette, Don Rosa. Enfin, tout le packaging du CD, la pochette, l'intérieur. C'est formidable. Ouais, c'est l'album à avoir, quoi. Et toi, ça, c'est le genre d'album, ça, j'ai. Tous ceux que je connais, je leur ai fait écouter. Il n'y en a pas un jusque-là qui m'a dit, ouais, c'est nul. Enfin, tu peux pas. C'est pas possible. Tu peux pas être fan. Complet, mais tu peux pas dire, ouais, c'est inintéressant, c'est impossible. C'est impossible. C'est bien construit, puis t'as vraiment l'optique d'un album avec un début, un milieu et une fin, une histoire contée de A à ouais, Z. C'est pas des pistes juste mis les yeux à la suite des autres. Il y a une histoire. Ah ouais, c'est. Non, honnêtement, c'est. Enfin voilà, celui qui aime pas, j'ai une pelle et un jardin, quoi. Non, on va le cramer, hein. Rien à faire. On l'a envoyé au Klondike, ah c'est mort. C'est impossible de dire, c'est nul, c'est de la merde. Non, cet album est magnifique. Il y a certains morceaux, tu sens quand même bien la touche Nightwish. Quoi. Quand tu connais le avec groupe, les voix, c'est bien un des membres fondateurs. Quoi. C'est... Il a les valeurs de production, il a ce qu'il faut, il y a aussi l'orchestre derrière qui est mais magnifique, il est vraiment conséquent. C'est l'orchestre, le Philharmonique de Londres, hein, qui a participé à l'enregistrement de l'album, là. Oh, ça va, tranquille. Ouais, non, c'est 2-3 mecs avec des violons et des contrebasses, quoi. Enfin, ouais, les petits débutants, ouais, quoi. Non, c'est... non, c'est... Non, franchement, c'est... Enfin, dans les 10 titres que j'ai dû sélectionner pour ce soir, quoi, c'est. Je savais pas lequel des. Je crois qu'il y en a 11 titres sur l'album. Je savais pas lequel des 11 j'allais mettre, mais enfin, c'était forcé, quoi, il y en avait un. Mais Picsou, depuis tout petit. Ouais, c'est. Bah, au départ, c'était Picsou Magazine pour le jouer, quoi. Tu jouais 5 minutes avec, et Ouais. puis bon, quand le jouet il était cassé, parce que c'était pas terrible quand même, hein. T'attaquais à l'IA, quoi, mais. Mais ouais, non. Ouais, et Picsou Magazine, ouais, j'ai assez fait chier mes parents pour l'avoir assez régulièrement, quoi. D'ailleurs, surtout à l'époque de où ils publiaient la jeunesse de Picsou, quoi. Fallait pas que j'en loupe un. Est-ce que t'as encore acheté un Picsou Magazine récemment? J'y pense. J'y pense, mais ouais, faut que je trouve l'excuse pour passer à la caisse. L'excuse pour moi, hein. Pour moi personnellement. Oui. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, sans déconner, ça tient encore la route. Ouais, de toute façon, je pense que. Il y a encore ce côté d'histoire, entre guillemets, bon, bah c'est un mec, c'est un mec riche, c'est un canard, quoi. Mais ce côté, entre guillemets, adulte que Donroza avait rajouté et tout ça, cohérent, avec toutes ces histoires un peu folles et des trucs un peu Ouais, débiles, ouais. mais il y a tellement quelque chose, il y a vraiment un truc qui Il s'en n'y a que dégage. peut-être la partie annexe où il y avait des promos de films, de groupes de musique, des machins. Enfin, je me rappelle à l'époque, je me rappelle d'un Picsou Magazine qui était sorti au moment de. Alors, je me rappelle plus le Batman avec Mister Freeze, là. Où il y avait. C'est pas le défi Je avec sais plus si c'est Forever ou Batman et Schwarzenegger. Robin. Là. Ça doit être Forever, je Enfin, des crois. deux, quoi. Enfin, Oh, une quelle bouse horreur. infâme, quoi. Et je me rappelle, il y avait un article dans le Picsou Magazine où il te vantait le. Enfin, c'était le film du siècle, quoi. Quand tu. Ouais, non. C'est un truc immonde, quoi. Oh là là. Ouais, mais les histoires fonctionnaient. Ouais, non, mais oui, toute la partie histoire Trouve qui ça était à côté, dingue. mais c'était entrecalé par des petits trucs d'actualité, ouais, des groupes de musique, genre les To Be Free, enfin. Enfin, voilà, des trucs de l'époque, quoi. Donc, je sais pas ce que ça donne maintenant, cette partie-là. Je sais pas si elle y est encore. Ouais, il y a encore. Un peu différente, Ouais, mais donc du coup un peu à maintenant part, c'est mais il y a Justin encore. Bieber et les Tuches, quoi. Ouais, c'est un peu le problème, quoi. Mais il y a encore les histoires. Bon bah s'il y a les histoires, Il y a ouais, plein je sais pas, d'histoires. peut-être demain. Ah bah non, demain je vais pas pouvoir. Ouais. Non. Bah non. Oh, dans une gare, il y en a encore. Maintenant, tu vas en voiture. Ah oui, zut. Mais je trouve ça quand même dingue que ce soit un album inspiré par une BD. Ouais, et puis en Je plus sais c'est pas si on pareil, a celui-là il beaucoup est comme ça. inclassifiable, quoi. Tu peux le mettre en soundtrack, mais soundtrack de quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas de film, il y a. Et une bande originale de Ouais, livre. ben ouais, bande originale de livre, ouais. Voilà. Par contre, tu vois, maintenant, faudrait qu'ils fassent le film qui va avec, quoi. Ils ont déjà les musiques, maintenant, vous nous faites le film, quoi. Ah, en film d'animation, il n'y a pas eu beaucoup de films avec Picsou quand on y Ouais, mais pense. enfin, là, honnêtement, ça. Il y a eu La Lampe Magique et puis. Putain, Don Rosa, là, t'as trouvé un artiste là qui te fait une putain de bande son là. Maintenant, démerde-toi avec Disney là. Vous avez assez de pognon, vous nous faites un film quoi. Alors, de mémoire, il n'est pas vraiment super bon terme avec Disney, sachant qu'ils l'ont complètement entubé sur ses droits d'auteur. Bah ouais, mais il faut un film, hein. C'est un Il se peu démerde, moche. hein, mais un film. Et tu vas souvent sur Bah j'y vais en. des 1 et des Ouais, 0. j'y vais de temps en temps. Alors maintenant. Plus tellement pour la musique parce qu'avec Apple Music enfin j'ai à peu près j'ai ce que je veux mais j'y vais ouais juste pour voir à peu près pour me tenir au courant des dernières sorties et on en parlera un peu sur un autre titre il y a des groupes que je suis où en fait ils sortent pas d'album ou très rarement pour le public c'est enfin on verra plus tard. Donc en fait c'est le seul moyen d'avoir les albums. Donc du coup, enfin, je me suis toujours posé la question de savoir si c'était illégal de télécharger un album qui n'est pas commercialisé. Ah, c'est une bonne question. Faut Puisque voir. de toute façon, tu leur enlèves pas un revenu puisqu'ils ne le vendent pas. Oui, mais c'est quelque chose qui n'est pas Ouais, sorti, qui n'est peut-être qui est pas pas censé destiné pour le sortir. grand public normalement. Ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est un truc, je me suis toujours posé cette question. C'est assez bizarre. Ouais, c'est bizarre. Bon alors, il y a peut-être un avocat qui va nous écouter, il va sortir une super loi et tout. Bah, c'est pas grave, je continuerai Je veux bien le pareil. Hein. commentaire, ouais. Bah, si je peux pas l'acheter, faut que je me démerde autrement pour le trouver. Hein. Oui, C'est c'est vrai. tout. C'est marrant, c'est que on en est 1, 2, 3, 4, 5e titre. Pas de musique de film, pas de jeu vidéo, rien du tout. Pas tant ton truc. Alors, musique de film, en fait, le dernier titre, c'est ouais, c'est série. Après, musique de film, après, ça aurait été pour trouver le titre. Donc, il y a un titre que j'ai mis, je crois que c'est l'avant-dernier de mémoire. Ouais. C'est pas vraiment une musique de film, parce qu'en plus, c'est une version particulière, mais enfin, on en parlera après. Ah oui, alors ouais, on en reviendra, celle-là, c'est... On détaillera plus tard. Et après, ouais, jeux vidéo, je suis pas un gros joueur. J'ai quelques jeux que j'aime bien me faire. Sur PS4, il y a Tomb Raider qui est enfin sorti. Donc les Tomb Raider, je les ai toujours finis, je les ai toujours faits, donc voilà. Mais sinon, en fait, il y a très peu de jeux vidéo que je finis. Puis je les achète rarement à la sortie parce que ça, je sens que je vais pas les finir, je vais pas payer 70 euros pour un jeu que je vais pas finir. Ouais, non, je suis pas vraiment un gros joueur. J'ai mes quelques licences de jeux que j'aime bien, que je vais faire, mais je vais pas courir après, quoi. Bah c'est con parce que ce titre-là est un titre super connu, le titre suivant, pour tout sur Burnout Paradise. Mais bon, ça c'est une autre version, apparemment c'est la version de Slash de Paradise City sur l'album Slash en 2010, alors que la version entre guillemets originale des Guns N' Roses c'est en 1987. Va falloir que tu t'expliques là. Précis, j'ai eu un doute. Mais au final, ça marche bah ouais, bien. Mais c'est pour ça en fait que j'ai choisi cette version-là. Parce que dans la même version, bon, t'as Slash à la guitare, t'as Cypress Hill et t'as Fergie de Black Eyed Peas qui chante. Donc voilà, comme ça, je peux caser trois artistes dans le même titre. Je crois qu'on a atteint un nouveau niveau d'arnaque, je le note. Non, non, par contre, non, non, c'est vraiment une version que j'apprécie et. Et en fait, ouais, Slash, il avait sorti tout un album comme ça où il a fait tout un tas de duos, trios avec différents artistes. Et ouais, non, j'aime bien cette version parce que ouais, c'est encore un titre que j'aime bien à la base et que du coup on redécouvre d'une autre façon et qui est loin d'être dégueulasse, quoi. Ouais, il y a le cœur du morceau qui est encore là avec ce. Ça fonctionne. Ouais, c'est pas un remix à la con fait dans un studio où il y a un mec qui a poussé deux potards et tiens, vas-y, je t'ai sorti une nouvelle version. Déjà, t'as l'artiste d'origine qui l'a commandé cette version-là et qui a appelé ses potes. Ben voilà, j'aime bien ce que tu fais, je veux qu'on bosse sur ce morceau-là. Puis qui a appelé Fergie et puis tiens, je voudrais que tu viennes prêter ta voix à ce morceau. Et voilà, on obtient un morceau qui est magnifique. Mais alors pourquoi pas la version originale des Guns N' Roses, qui est quand même beaucoup, beaucoup plus péchu, qui est ouais, elle fonctionne très bien, mais tout le monde la connaît. Ah, donc tu voulais pas juste entre guillemets rester ouais, dans le préconnu, voilà, tu voulais faire découvrir. Tant qu'à faire, autant faire découvrir des. Parce que c'est pareil, ça c'est. Alors je me rappelle. Dans l'ordre, je crois, c'est. Parce qu'avec Fergie, il a fait d'autres duos. Enfin, il y en a un autre sur l'album en question là. Alors, attends. Je retrouverai le titre. Elle a fait un autre morceau avec lui. Et la première fois qu'elle a chanté avec Slash, c'était pour son anniversaire où elle a chanté sur scène avec lui Sweet Child of Mine. Ah. Et après, les Black Eyed Peas avaient fait un concert pour le Super Bowl. Et ils avaient rappelé Slash pour refaire Sweet Child of Mine pendant le Super Bowl, alors avec paillettes, laser. Oui. Et c'est à la suite de ça qu'ils ont fait, ce trio de mémoire. Ils l'avaient rappelé du coup pour son premier album en solo, parce qu'entre temps, il avait. Entre les Guns et cet album-là, il avait joué aussi avec un autre groupe, Snake. Je sais plus comment. J'ai avoir bouffé le nom. Bon appétit. Bah là l'album, ouais, tout simplement Slash. De Slash. C'est voilà, c'est ouais. Quand on aime la guitare, de toute façon, on est forcé de connaître Slash. Quand on aime les grands chapeaux aussi. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as déjà vu un de ses tweets. Il les signe tous avec un petit smiley où en fait c'est une succession de points d'exclamation, parenthèses et compagnie. En fait, ça fait son chapeau de forme et avec lui qui sourit dessous. Ah, c'est pas mal ça. T'auras qu'à aller voir pour te marrer. Rien que pour ça, tu peux le suivre quoi. Il tweete pas énormément, une photo de temps en temps et il le signe toujours avec son petit chapeau de forme et son sourire. Et ouais, alors. Ah oui, oh, c'est génial ça. Mais tous ces tweets sont signés comme ça. Il y en a très peu où ça apparaît pas, quoi. Twitter.com/slash. Ouais. S-L-A-S-H. Ah, c'est génial. Il y a, en fait, il y a 4 i, un crochet qui se ferme, point virgule. Ah ouais, ça fonctionne. Ah, c'est ah génial. Ouais, ça fait coucher, mais ça fait le chapeau de forme et sa tête, quoi. C'est un mec de ton, entre guillemets, ton enfance, ton adolescence, Slash. Non, ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard, Slash. Ça faisait pas partie de ta période reggae SK. Ah non, du tout. C'est bien après le lycée que je l'ai découvert. Après, je connaissais forcément par les Guns N' Roses. J'avais forcément entendu des morceaux, mais je me suis vraiment penché sur le bonhomme et toute sa carrière bien plus tard, quoi. Il y a peut-être une dizaine d'années maintenant. T'as pas trouvé de live de celle-là? Non. Non. Il y a un live qui a été fait suite à cet album, mais il n'y a pas tous les duos qui ont été faits sur l'album, quoi. Je m'étais même acheté le DVD du concert, là. Mais ouais, t'as pas. C'est le même album, c'est tous les mêmes titres, mais il n'y a que Slash et son groupe, quoi. Donc ouais, ça, d'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de live pour ce morceau. Après, voilà, s'il doit faire un live pour cet album-là, ça va être compliqué parce qu'il y a énormément d'artistes, quoi. Peut-être pour répondre à une de mes questions, comment Slash peut-il être encore en vie? Je pense qu'il fait partie de la génération avec les Rolling Stones et compagnie. Mais en même temps, ils sont pas bu que de l'eau. Ah ouais, non. Mais en même temps, Slash, tu prends n'importe quel mec, tu lui mets un chapeau de forme et une perruque, tu sais pas si c'est le bon. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas les Daft Punk, il est pas sous un casque, mais au final, on a très rarement vu sa gueule, quoi. Il a tout le temps ses grosses lunettes noires, son chapeau de forme et ses grands cheveux frisés. Si ça se trouve, c'est même pas ses cheveux. Hein. Tu accrédites la théorie selon laquelle il y aurait plusieurs Slash. Ah non, parce que la guitare, est quand même, tu la reconnais très, très facilement quand même, hein, quand il joue. Il fait partie des plus grands guitaristes. Enfin, quand t'entends Slash, tu sais que c'est Slash, quoi. C'est. Mais putain, parce que dans un univers parallèle, on a peut-être un anti-Slash. Ah, mais, ouais, sûrement même. On se méfie. Ouais, je t'ai retrouvé l'autre titre de Fergie là sur l'album, c'est Beautiful Dangerous. Je mettrai le lien comme d'habitude en bonus. On commence à éclater le nombre de bonus. ça me fait un petit peu peur. Je vous mettrai aussi la version de Master of Puppets de Van Canto qui est juste géniale. ça c'est pas de ma faute ça. Ah non, oui, non, mais j'assume. C'est de ma faute pour le groupe, mais pas pour le titre. Elle est vraiment bien. Je suis resté bloqué dessus, je crois que ça va être terrible. Est-ce que t'as joué un certain temps parce que moi. Guitar Hero, oui. Ma culture musicale. Voilà, exactement. C'est... C'est le 3 que j'avais sur la Wii à l'époque. J'ai explosé une guitare, il a fallu que j'en rachète une. C'était mon métal. Mais, non, Guitar Hero, je l'ai rincé. En plus, la Wii, qui était une console à pas cher, que tu craquais à pas cher aussi, des Guitar Hero, il y a sorti des versions custom, mais des dizaines et des dizaines, quoi. Donc oui, au final, si, le seul autre instrument que la flûte dont je sais jouer, c'est de la Guitar Hero, quoi. La guitare en plastique, bleu, rouge, ouais, bleu, vert, voilà. Avec le super bien sous Child of Mine, bleu rouge vert vert, ça marche vachement bien. Ouais, bah si, ouais. Non. Non, mais c'est con. J'ai joué de la guitare, ouais, du coup. Tu n'as pas fait de rap et tu as joué de la guitare, d'accord, c'est noté. Ouais, c'est ça. Pas de question, peut-être une corde plus... et trois frettes. Pédale wah-wah, en fait, le guidon wah-wah, je sais pas comment on appelle ça, qui est super classe quand t'étais là. Limite à te mettre à genoux, c'était trop bien. Comme j'avais pété la première, j'avais racheté celle de Guitar Hero 4 où t'avais une surface tactile où tu pouvais faire glisser tes doigts et elle était magnifique celle-là. Mais tu crois qu'il y a vraiment Bon, une génération qui a découvert énormément de musique grâce à ses compiles encore, Guitar Hero. Ah oui, persuadé. Même moi, j'ai découvert des artistes dans les playlists ou les playlists officielles ou dans les custom, quoi. Le final de Guitar Hero 3, Dragon Force, c'est un groupe que j'ai découvert grâce à Guitar Hero. Et ouais, et ces mecs-là, je crois qu'ils sont classifiés dans power metal. C'est des grands malades. Hein. J'avais acheté un de leurs albums où il y avait un petit DVD où tu vois le mec qui fait tailler sa guitare sur mesure et il fait tailler l'empreinte de ses doigts pour avoir la tenue optimum pour pouvoir jouer comme un malade dessus, quoi. Ah oui, alors Dragon Force, c'est dans la même série que Rhapsody of Fire, c'est très très excitant. J'y ai pris sur Guitar Hero le 3, là, c'était Dragon and Flame, ou je sais plus quoi, le titre final, là, mais j'y ai pris des suées. Ouais, Fire and j'y ai Flame, pris des suées là-dessus. Mais en 3 touches, j'arrivais à faire du 99%. Hein. J'étais heureux comme tout, hein. Mais en 3 touches, hein. Pas déconner. Hein. Oui, alors au bout d'un moment, T'es en âge, tu vas prendre ta douche après, mais t'es content, t'as fait 99% là-dessus, quoi. Intérieurement, t'es un warrior, quoi. des grands moments, Guitar Hero. Bon, solitaire, faut pas se taper la honte, mais... Ah non, on a fait des soirées avec des potes à se déchaîner là-dessus. Ah non, on a pris... d'ailleurs, j'avais une amie qui avait aussi Guitar Hero, donc qui avait une guitare, donc on a fait des duos, même. On a fait des soirées, vas-y... Il y a un tel et un tel qui viennent bouffer à la maison, venez aussi, ramène la guitare. On se couchait, le soleil se levait, quoi. Mais pas entre les vicis, parce que dès que tu entends les pling, pling, pling, c'est moins bien. T'es un peu moins dans le trip. Bah, c'est que la soirée a trop duré, c'est la fatigue qui commence à arriver. Ouais, puis après, t'es décalé, c'est mort, quoi. Non, c'est parce que. T'essayes de rattraper, donc faut aller plus vite que ça ne va déjà, alors que ça va déjà bien assez vite, et c'est mort. C'est con. C'est juste un bout de plastoc, mais ça restera de très très bons moments semblant de jouer, quoi. Mais tu vois, peut-être que là, l'hiver va arriver, il va commencer à faire nuit très tôt, je vais peut-être ressortir la Wii. Rien que pour rebrancher la guitare. Ah mais c'est marrant, je les sors tous les ans. J'ai Guitar Hero 2, moi le 2, sur Xbox, mais je la sors tous les ans. C'est tellement bien. Ouais. Va falloir que je reteste. Mais... Est-ce que tu es comme moi, ou peut-être comme beaucoup d'auditeurs, tu ne joues pas d'un instrument de musique? Bah si, de la Guitar Hero. Oui, de la Guitar Hero, justement, c'est pas juste le trip comme ça. Tu joues pas, en fait. Mais le fait d'appuyer sur les boutons en rythme, d'avoir ce rythme-là, tu t'y crois. Et ça, c'est très fort. Ah ouais, bah tu fermes les yeux et tu vois une vraie guitare. Bah, j'avais essayé la vraie guitare. J'avais été arrêté pendant 2 mois et je pouvais pas faire grand-chose. Mais j'avais les doigts encore valides et j'avais craqué pour les 4 les packs là, la guitare pour les nuls là. Mais j'ai des mains de menuisier, je suis plus assez souple. Tu sais que sur PC il existe le jeu Fretz and Fire où tu peux utiliser ton clavier pour faire comme une guitare. J'ai déjà entendu parler de ça, ouais. Il faut un clavier sans fil, hein, sinon ça embarque tout. Oui, alors, ou alors vraiment une rallonge USB pour avoir vraiment la classe à être dedans, quoi. Mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de claviers avec une ceinture pour t'accrocher derrière. Waouh, tu vas pouvoir se customiser, ça. On va continuer sur un autre titre, un autre groupe qui a sûrement été dans un autre Guitar Hero, je sais même pas lequel. Iron Maiden, Run to the Hill, sur l'album Live, encore un live, tiens. Ouais. After Death, en 1985. Alors, Iron Maiden. Ouais. Iron Maiden. Pareil, c'est comme pour Slash, c'est un groupe que je connaissais, j'avais déjà entendu parler, j'avais déjà entendu quelques titres. Et dans un Guitar Hero, il y avait... The Number of the Beast, et c'est comme ça que j'ai replongé dans Iron Maiden et que j'ai cherché plus longuement les albums. Et puis ouais, pourquoi Run to the Hill? Bah, parce que ouais, c'est un titre que j'écoute très facilement, parce que ça, il met la pêche, quoi, tout simplement. Et pourquoi la version live? Parce que tu sens derrière tout le public qui gueule avec lui, quoi. Et d'ailleurs, moi aussi, quand je l'écoute, des fois, je gueule. Heureusement que tu es tout seul chez toi. C'est ça. Et que les voisins sont pas trop près et que c'est bien isolé, quoi. tu l'écoutes à fond et t'as envie de chanter, quoi. Même que ce soit en bagnole, en moto, pareil. Ouais, il m'arrive aussi ouais, de gueuler tout seul dans mon casque parce que je l'écoute en moto, quoi. Ah, l'avantage, c'est que t'as le casque, donc ça va être souvent en ton fort intérieur, puis tu peux gueuler comme tu veux. Ouais, de toute façon, il y a peu de monde qui entend à côté, quoi, mais... Le problème, ça va être pour le pogo et bouger la tête. Là, c'est pas très raisonnable en moto. Bah, si c'est en ligne droite, ça va. Si c'est en virage, faut éviter, quoi. Mais tu les as découverts comment? Parce que je vois un live 1985... Enfin, Iron Maiden, même si on n'écoute pas, je pense qu'on connaît forcément, ne serait-ce que par les pochettes qui sont magnifiques. Oui. Enfin. Comment il s'appelle ce squelette d'ailleurs? Plus comment il s'appelle. Attends, je l'ai pas loin. Je vais te le retrouver. oui. Eddie. Bah oui, Eddie. Eddie, qui d'ailleurs sur le dernier album qui est sorti, pour moi c'est plus Eddie. Ah. C'est. Les pochettes d'Iron Maiden, c'est des pochettes dessinées à la main, c'est un graphisme particulier. Et d'ailleurs là, le live, pareil, je me suis racheté en vinyle et en fait les vinyles sont imprimés. Donc t'as un visuel d'Eddie différent sur chaque face. Ah. Ça, c'est classe. Et Iron Maiden, c'est les pochettes, c'est la musique, c'est une voix, c'est. Je comprends, oui. Donc The Book of Souls, le dernier, donc à Bailey ouais, en 3D. C'est... Ouais. Ah, c'est moins bien. Ouais. L'album est sympa, hein, mais t'as un truc en moins, quoi. Iron Maiden, ouais, c'est un tout, c'est. On se rappelle pas forcément de la tête des artistes, mais on se souvient forcément d'Eddie, des pochettes. Au moins une pochette dès qu'on l'a vu. Ouais, y a un truc, quoi. Et le nombre de pochettes qui sont détournées pour faire des t-shirts avec tout à fait autre chose que. J'ai 2-3 t-shirts où, à la place d'Eddie avec son drapeau, t'as un Stormtrooper. Enfin, des détournements, il y en a eu. Parce que c'est Eddie et les pochettes d'Iron Maiden, c'est emblématique, quoi, de ce groupe-là. Et puis, acheter un CD d'Iron Maiden pour le foutre dans ton armoire, ça sert à rien. Par contre, acheter un vinyle, tu t'achètes un cadre, ça te fait un tableau, quoi. Ce groupe-là, ouais, c'est tout un univers, quoi. C'est un univers graphique, c'est un univers musical, enfin... Et t'as tout collectionné depuis le début? Alors, j'ai tous les albums en audio et ouais, j'essaye de me récupérer les vinyles, ouais, ne serait-ce que pour les pochettes, quoi. Et ils ont tous réédité, là, comme celui du concert, là, ils ont tous réédité avec le vinyle imprimé. Bon, alors après, le son, c'est du numérique imprimé sur du vinyle, hein, Ouais. Là, c'est t'achètes l'objet pour l'objet, pas pour le son. C'est le même son que tu vas avoir sur un CD avec le petit crépitement en plus. Mais je vais essayer de me refaire là toute la collection là qu'ils ont réédité là avec les vinyles. Parce que ouais, le concert, je me rappelle plus si c'est deux ou trois vinyles. Et ouais, sur chaque face, t'as un visuel différent, quoi. Ouais, Iron Maiden, c'est ça. Ouais, c'est T'as la musique, t'as Eddie, c'est pour ça, ouais, le dernier, c'est, je l'aime bien, mais moins, parce qu'il n'y a plus Eddie, il y a une espèce de machin, l'image de synthèse, là, en impression 3D, c'est pas pareil, quoi. T'es un peu nostalgique, après, entre guillemets, avec ce faux Eddie. Bah, du coup, ouais, c'est, tu regardes sur n'importe quel, sur Spotify et compagnie, tu cherches Iron Maiden, tu vas voir toutes les jaquettes qui s'affichent, et puis tu vas voir la dernière, tu te dis, ils sont plantés, quoi. c'est pas le bon. Ça doit être autre chose, quoi. C'est une reprise, c'est autre chose. Ben non, c'est toujours Iron Maiden. Dans la musique, tu le retrouves, mais pas dans la pochette. Mais pourtant, je l'ai acheté, je l'ai. Mais tu l'assumes, tu l'as pas revendu. Ah non, je l'ai pas revendu. Non. J'aime quand même la musique, mais enfin celui-là, je l'afficherai pas, quoi. Je l'écouterai, mais je l'afficherai pas. Tu as des cadres comme ça avec des albums chez toi ? Alors j'en ai un. Ou c'est en projet. J'en ai un et après, en fait, c'est des cadres, c'est interchangeable. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. Ouais. Tu trouves ça à 3 francs 6 sous à Cultura, c'est un cadre en plastique. Puis derrière, tu as une pochette, tu glisses le vinyle que tu veux, quoi. Donc je change de temps en temps. Après, faudrait que je pourrais en acheter plus. Et puis, mais bon, après, il va falloir que j'achète des murs aussi. Oui, non, mais ça peut s'arranger avec des paravents. En fait, tu peux rajouter plus de vinyle, mais après, tu recoupes ton environnement, c'est un peu moins pratique. Ouais, du coup, tu te retrouves avec 3 pièces dans une pièce qui, à la base, était déjà pas bien grande. Un peu dommage, mais c'est beaucoup plus métal ouais, que. Ah ouais. Non, c'est aussi pour ça ouais, que je me suis remis au vinyle. Au moins, t'as un bel objet. T'as pas plus, mais t'as au moins ça. Quitte à acheter quelque chose qui va rester dans le meuble, et encore, c'est même pas vrai, parce que du coup, contrairement au CD, ben, les vinyles, ben, je prends des fois plaisir à les sortir. Je me pose dans le canapé, et puis voilà, je prends plaisir à sortir le vinyle, alors que je peux prendre mon téléphone ou mon PC ou autre, et puis écouter ma musique en MP3, quoi. Je vais écouter la même chose. Voilà. T'as encore cette collectionniste et ce fétichisme. Ouais, bah ouais. Quitte à l'acheter, bah, j'achète l'objet et du coup, bah, je me remets à écouter de la musique sur un support autre qu'un support numérique. Parce que bah, du coup, j'ai l'objet et puis ça me fait plaisir à ouvrir la pochette du vinyle où dedans, t'as un visuel, que ce soit pour Iron Maiden ou d'autres artistes. Hein. Tu retrouves un plaisir que tu avais quand tu ouvrais tes premiers CD, que tu n'as plus maintenant. Parce que de toute façon, maintenant, les CD, tu achètes un CD, c'est pauvre ce que tu as dedans. Tu ouvres, tu as le CD, basta, tu n'as rien. Tu as maintenant très peu de CD, à part quelques éditions collector, où tu as un petit truc en plus, quoi. Maintenant, c'est... Oui, tu vas avoir un petit livret, un petit livret un peu sympa, des illustrations, etc., ça se fera. Ouais, bah ouais, maintenant, c'est tu ouvres, t'as ton CD, t'as une espèce de pochette avec 2-3 photos, voilà, c'est un tel et un tel qu'on fait le CD, et t'as même plus les paroles, quoi. C'est vrai, tiens. Ouais, maintenant, c'est... Pourtant, il n'y a plus les paroles. Et la plupart du temps, maintenant, les CD, c'est une boîte en plastique, une jaquette devant, une jaquette derrière, et une galette, quoi, puis basta. Comment tu expliques ce retour au vinyle ? Le retour au vinyle, il s'est fait avec mon abonnement... De streaming musical. Du coup, maintenant, bah, je peux avoir tous les albums que je veux pour les écouter. Et ça, légalement, l'artiste est rémunéré un peu. Hein. C'est vraiment... Vraiment, on lance ouais, pire, ouais, avec c'est tout, vraiment toute peanuts, petite bière. Mais au moins, il touche quelque chose. Et puis bah, derrière, bah, un album que j'aime vraiment, un artiste que j'aime vraiment, bah, je vais me faire plaisir et puis je vais m'acheter le vinyle. Plutôt que d'acheter un CD qui va rester dans un placard où on ne le verra même pas, ben, je vais acheter un vinyle qui est dans ma bibliothèque, qui se voit, et puis ouais, de temps en temps, je l'affiche au mur, quoi. Et puis voilà. Ça pourrait être considéré comme du fétichisme. Non, c'est de la collectionnite aiguë que j'ai pour beaucoup de choses. Est-ce que tu as eu cette époque cassette ? Ou est-ce que tu es encore trop jeune ? J'ai eu les potes cassettes, j'en ai encore qui traînent, j'ai plus rien pour les lire, mais j'en ai encore qui traînent. J'ai eu l'époque CD. Et j'ai même eu l'époque mini-disque. Oh là, tu avais un mini-disque, espèce de bourgeois. Ouais. Avec ma première paye, je m'étais payé un mini-disque que j'ai encore et j'ai encore aussi pas mal de... Bah, de toute façon, c'était forcément des trucs que tu avais enregistrés à droite à gauche puisque il n'y a pas d'album où... Tu remarques s'il y a peut-être des albums au tout début. Tellement peu, c'était pas énorme. Hein. Sony a poussé, mais... Il y a peut-être quelques albums qui se sont vendus au début. Et bon, pour les acheter, il fallait le platine, mini-disque, ou alors vraiment bricoler, et là, ça coûtait la peau du cul. Bah, le lecteur mini-disque que j'avais, il était... Enfin, tu le branches assez facilement sur une chaîne pour diffuser sur ta chaîne, quoi. Il avait une sortie optique, sortie entrée optique, il avait les deux, de mémoire. Et c'est avec le Walkman que t'as commencé la musique en mobilité, comme ça T'as vraiment eu les potes de mini disques là tout où gamin, tu as eu ton premier salaire. Gamin, j'ai, c'est un de mes oncles, moi et ma frangine, qui nous avait offert les Walkman Sony, là, avec celui qu'on voit un peu dans le style de celui qu'on voit dans Gardien de la Galaxie, là, avec le casque, avec les deux petites mousses. Bon, elles n'étaient pas oranges, moi, elles étaient noires, mais le même type de casque. Oui, avec le petit casque en métal qui arrachait les cheveux. C'est ça, ouais. C'était du brut de décoffrage, quoi. T'avais une lamelle métallique qui te faisait le casque, et puis deux bouts de plastoc... avec un petit haut-parleur dedans et une mousse bien dégueulasse qui était pourrie au bout d'un an, un an et demi, qui vieillissait très mal. Mais ouais, mon premier baladeur, il était tout bleu. C'était dans les premiers Walkman Sony, là. Bon, qui a très mal fini parce que j'étais tout gamin à l'époque. Hein. Là-dedans, j'écoutais quoi ? J'écoutais je devais avoir peut-être du Bernard Minet, des conneries comme ça, quoi. Dans les premiers albums que j'ai eus. Non, garde-en pour la fin. Et ouais, puis je m'en suis racheté d'autres, des cassettes, parce que ouais, j'en ai pété pas mal, parce que je les baladais partout, et que c'était gros, lourd, et que ce qui pétait en général, c'était la porte, quoi. Oui, mais tu vois, après, tu pouvais quand même cliquer les cassettes à l'intérieur, ouais. Même si elles se pétaient la gueule. Ouais, puis après, tu bousillais les cassettes, du coup, parce qu'il y a de la merde qui rentrait dedans, et que quand la merde s'était foutue dans les engrenages de la cassette, ça tournait moins bien et que du coup il y a voilà, c'est ça, et que la bande elle sortait plus vite qu'elle rentrait et que du coup c'était la merde, quoi. Ouais, mais c'était auto reverse et ça c'était la classe. Et t'es resté comme ça, musique en mobilité, est-ce que t'es passé par les baladeurs CD? Mais ça sautait, hein. Une vaste arnaque. Ça sautait, puis c'était naze. Mais j'étais content parce qu'à une époque j'avais un blouson et ça passait dans la poche. Et tu marchais ou que tu courais un peu violemment? Ah bah oui, ça... Ah, il s'était vendu au anti-choc, je sais plus trop combien de secondes. C'était l'argument de vente à l'époque. Il disait, ouais, non, mais celui-là, il est monté sur ressort, machin, pouvait courir avec et tout, ouais, mon cul, ouais. Par contre, le mini-disque, ça, tu pouvais, ça. Ça, il était vraiment anti-choc, le mini-disque. Ah, mais ça coûtait la peau du cul. Ouais, le premier, ouais. Parce que j'en ai eu deux, j'en ai pété un et j'en ai eu un deuxième. Espèce d'enflure. Mais bourgeois. Ouais, non, c'était vraiment ma première paye. C'était dans mes premières payes. Les étés, je bossais et avec ma première paye, je me suis dit voilà, je vais m'acheter ça parce que le baladeur CD c'est plus possible. Et du coup, j'avais copié tous mes CD sur mini disque, quoi. Mais mais c'est dommage que ça n'ait pas marché parce que c'était honnêtement pas mal. Hein. C'était pas mal. T'avais une bonne qualité de son et ça prenait moins de place, quoi. Bah attends, t'as le MP3 qui est arrivé après. Ouais, mais celui que j'avais, justement, tu pouvais encoder du MP3, parce que quand le MP3 est arrivé, c'était pas les mémoires qu'on a maintenant, quoi. T'avais... Oui, t'avais 256 mégas, c'est un demi-CD, quoi. Ça a commencé, même, c'était des 256 mégas, 512 pour les plus riches dans les premiers. Hein. Je dois même encore avoir mon premier baladeur MP3, c'était... Peut-être qu'il marche encore. Ça ressemblait plus à une clé USB qu'autre chose, là. Oui, avec juste une seule pile dedans. Un petit Samsung YEP ou un truc dans le genre, là. Une révolution, ouais, ça. Je sais même pas s'il faisait... Génial. C'était peut-être un 256, mais peut-être pas bien plus. Hein. Et sur les mini-disques, tu mettais largement plus. Tu pouvais, parce que tu pouvais encoder en format propre ou en MP3, comme tu mettais sur une clé Et puis ouais, sur un disque tu mettais, bon, de toute façon ça devait être des 74 minutes, donc en MP3 tu pouvais pousser un peu plus. Et du coup ouais, tu pouvais en faire 2-3 d'avance, et moi je partais à l'internat avec ça, et j'avais une petite caisse avec tous mes albums sur différents mini-disques. Ouais, non, ouais, j'étais heureux avec ça. Et tu t'es fait des compiles de mini-disques? T'es vraiment resté album? Ouais, non, je faisais quelques compiles... Ça m'est arrivé, mais je dois en avoir 2-3 sur une trentaine d'albums, quoi. À l'époque. Parce que bon, mini-disques, j'en avais pas acheté non plus. Je les effaçais, je les refaisais, mais je suis plus album. Bah pourtant, tu m'as dit tout le temps que tu découvrais de la musique grosso compile. Ouais, mais je vais écouter une compile, et puis après, je vais récupérer 10 albums, quoi. Ah, donc t'achètes pas la compile au final? Non, la compile, je m'en servais pour découvrir. Je prenais une compile avec différents artistes dessus, et puis après, je récupérais les albums des artistes qui m'avaient plu. Donc tu vas écouter, par exemple, au pif, l'hommage à Renaud, et puis tu vas découvrir Cœur de Pirate? Ou tu vas t'arracher les tympans. Alors, comment te dire ? Parce que là, alors là, t'as pris un exemple, mais... non, l'hommage à Renaud, c'est... Non, non. Les enfoirés. C'est faut l'enterrer. Pourtant, il est toujours debout. Ouais, non. Non, non, mais je te parle du CD. Faut l'enterrer, celui-là. Ah oui, aussi. Mais oui. Loin. Et puis même, là, parce qu'ils ont, fait une suite, c'est pareil. C'est... Ah bon, il y a une suite ? Ouais, ouais, ils en ont fait un 2. Hein. Oh merde. Ah ouais. Par contre, ouais, comme tu dis, la version Cœur de Pirate, si on doit sauver quelque chose, c'est bien ça, quoi. Si, voilà, si je devais sauver un titre là-dessus, dans cette bouse infâme, ouais, je garde Cœur de Pirate, quoi. Bon. Encore un bonus, trêve non de nostalgie. je pense que celle-là, on va l'éviter quand même. Trêve de nostalgie, trêve de MP3, de mini-disque, de lecteur cassette. Tu remarqueras quand même que le logo de la playlist, c'est d'une cassette. Ouais. Je pense que génération cassette, on n'échappera pas. On va continuer avec Teddy Bears. Ouais. Used to Keep sur l'album Soft Machine, à plus récent, en 2006. Là-dedans. C'est bizarre. Ah mais le, enfin Teddy Bears de toute façon de base ils sont bizarres. C'est toi tu pour les découvertes, toi Teddy Bears en fait je les ai découverts à travers la série Chuck. Ah. Puisque dans le, enfin dans la série il y a un thème qui revient de temps en temps et c'est un de leurs titres, c'est Cobra Style. Et c'est comme ça en fait que j'ai cherché qui faisait ce titre-là et j'ai découvert Teddy Bears et ils sortent très peu d'albums, ils mettent très longtemps entre chaque album, mais c'est toujours des petits bijoux quoi. C'est un mélange d'électro, de rock, enfin. C'est pareil, c'est inclassifiable. Enfin, leur style est inclassifiable d'un morceau à un autre. C'est, t'as toujours une petite touche d'électro, mais et puis ouais, ce morceau-là, c'est alors l'album de mémoire, c'est Soft Machine. Et c'est un album où ils ont appelé plein d'artistes à droite à gauche et ils ont fait pas mal de petits featuring, comme on dit. Et puis ouais, et puis y a ce morceau là dedans avec c'est Nene Cherry qui avait prêté sa voix et puis ouais non je c'est pareil c'est un morceau voilà, j'ai 5 minutes je vais écouter un peu de musique il va être dans la playlist où je vais piocher quoi c'est pour me réveiller, je me réveille en musique, ça me lance une playlist, et il est dedans, quoi. Celle-là, en particulier ? Ouais, celle-là en particulier, ouais. Enfin, tout l'album aussi, mais celle-là en particulier, quoi. Cette voix, ce petit chamisen, là, derrière, Puis c'est un groupe que t'entends quasiment pas. Enfin, ils font... En France, je sais pas s'il est vraiment connu, quoi. Bah, j'ai découvert. En plus, la pochette de cet album-là est assez marrant. Mais enfin, ils sont. Tu connaissais pas du tout Teddy Bears ? Pas du tout. Mais ouais, enfin, dans le même album, ils ont il y a un duo avec Iggy Pop. Le morceau, c'est Punk Rocker. Enfin, ouais, et ils sont tout le temps avec une tête d'ours. J'ai jamais vraiment cherché en fait. Je sais pas si on a des photos de leur tête à eux. Ils sont un peu comme les Daft Punk, ils ont tout le temps ce masque de tête d'ours, un peu dégueulasse d'ailleurs. Enfin, t'entends parler d'eux, ils sortent un titre comme ça, parce qu'ils ont sorti leur dernier album il y a un peu moins d'un an, c'est Rock On, le titre de l'album. Et avant de sortir l'album, ils avaient sorti 3-4 singles, Et puis bah, les 3-4 singles, ils sont pas forcément dans l'album. Je crois que tu as un ou deux titres qui sont dans l'album, mais sur les singles qu'ils ont sortis avant, tu les trouves qu'en single. C'est voilà, ils ont fait leurs morceaux, ils se sont fait plaisir, mais sans doute ça devait pas cadrer dans leur album, donc on n'a pas repris les Ils l'ont mis à singles. part. On le met à part, ouais, ça reste à part. Même les clips sont un peu bizarres. Je suis en train de regarder Punk Rocker, mais je t'avouerai que il est les pas clips, mal. j'ai jamais vraiment cherché ou regardé. À part celui avec Mad Cobra, donc Cobra Style. Mais enfin ouais, ils ont. Il y a même un album, c'est l'album Devil Music. J'ai deux versions de l'album. T'as une version 100% Teddy Bears. Et t'as une deuxième version où il y a d'autres artistes qui sont intervenus dessus. Et Mais c'est les mêmes c'est morceaux marrant. dans le désordre et pas interprétés pareil. Mais je vois dans ta playlist énormément de collaborations. Ouais, parce que c'est des titres uniques à chaque fois. Mais le titre de base aussi, il est unique. Ouais, mais justement, ça le rend encore plus unique parce que c'est une autre version du morceau. Voilà, c'est une autre. Enfin, ouais, tu redécouvres, tu t'aimes déjà le morceau de base et puis tu le redécouvres d'une autre façon. Et c'est une. Enfin, ouais, dans les morceaux que j'ai mis, à chaque fois, c'est des reprises, mais ou t'as l'artiste d'origine, ou c'est validé par l'artiste d'origine, quoi. Et pas de live. Teddy Bears, il me semble pas qu'ils aient fait de live. Enfin, d'album live, hein, je parle. Hein. Parce qu'ils sont de Stockholm. D'ailleurs, pour les Oui, ça fait trouver. loin de Limoges, oui, Ouais, pour les trouver, ouais. c'est. D'ailleurs, pour les trouver, un coup c'est Teddy Bears tout seul, et un coup c'est Teddy Bears STHLM. Ah, si, ils ont fait un live dans un show aux États-Unis. Ah, mais si, oui, parce qu'ils sont trois ou quatre sur scène, et avec leur tête d'ours, mais c'est. Enfin, tu. C'est. Si, je crois que. Ouais, ils sont avec. Je crois que je revois à peu près. J'ai dû le croiser, celui-là. Mais je sais pas s'ils ont vraiment fait un show complet. Ouais, vraiment un show complet, ouais. De mémoire, non. Parce que j'ai pour habitude, en fait, quand je découvre un artiste, la première chose que je fais, c'est soit je cherche un album live, soit un best-of. Ah, Je commence donc par. tu as bien une sorte de manie pour découvrir un artiste. Ouais, enfin, j'ai trouvé un nom, j'ai entendu un morceau ou autre. Pour découvrir l'artiste, pour découvrir tout ce qu'il a fait, ce que je vais écouter en premier, c'est ou le best-of ou le live. Le live en premier et le best-of si j'ai pas trouvé de live. Et Teddy Bears, j'ai jamais trouvé ni l'un ni l'autre. Alors, il y a un live à Göteborg. Bon, c'est chez eux, c'est normal, mais. Ouais, mais en vidéo sur YouTube, pas un album. Ouais. Et tu irais les voir en live, eux? Ils t'ont convaincu? Ouais, je pense que j'irai, ouais. Mais je pense que je serais un peu déçu. Parce que, comme pour l'album de Slash tout à l'heure, qui avait fait intervenir pas mal d'artistes, Teddy Bears, c'est souvent qu'ils font intervenir des artistes. Donc si tu les vois en live, Il n'y a pas les ouais. artistes. Ou c'est une voix en playback derrière, enfin en playback, c'est même pas en playback, c'est une voix rajoutée derrière, ou après, peut-être que si c'est eux qui font les voix ou autres, ce sera aussi bien, mais. Il va te manquer ce petit Ouais, quelque il va chose, quoi. man genre le morceau là avec Ned Cherry, si elle y est pas, c'est plus le même, du coup. Est-ce que tu crois que c'est un groupe qui peut exister tout seul? Ou alors il leur faut une collaboration pour avoir ce petit truc en plus. Non, ils peuvent exister tout seuls, puisque leur dernier album, de mémoire, ils ont pas trop fait de duo. Non, ils peuvent exister tout seuls, mais ils ont des morceaux qui. Enfin voilà, Your Keep, enfin, je pense que sans la voix, c'est plus le même. Sans cette petite voix de Nene Cherry, c'est plus le même morceau. Ce sont eux-mêmes qui adaptent dans leur collaboration, tu sais pas? Là, je peux pas te dire. Parce que la collaboration, comment elle est née? Est-ce que c'est eux qui sont Ah allés oui, non, je voir pense que les oui, je artistes pense que ou... c'est eux qui vont chercher les artistes. Ah oui, non, clairement. Parce que je te dis, enfin c'est un groupe, ils ont, je sais pas, ils doivent avoir 4 ou 5 albums à tout casser, mais alors que ça fait 15 ans, je crois, ou une connerie comme ça, qu'ils existent. Donc sur 15 ans, il y en a, ils t'ont sorti un album tous les 2 ans, et eux, non, ils sortent leurs petits albums dans leur coin. enfin, si tu sais pas qu'ils existent, tu sais même pas qu'ils sortent un album, quoi. C'est ouais. Il y a très peu de promos dessus. Tu tournes comme ça souvent de série en série pour découvrir de la musique? Ouais, ça m'arrive dans les bandes son de séries ou de films d'aller voir un titre qui me marque et je vais voir qui l'a fait, à quoi ça correspond. Et, bah, des fois il y avait juste ce titre-là qui était bon, puis des fois non, il y avait en fait le titre qui m'a permis de les découvrir, c'était pas le meilleur, quoi. Et j'en découvre d'autres derrière qui sont beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est Oasis dans sa playlist qui parlait de la bande-son de Tron Legacy qui était fait par les Daft Punk. Ouais. Et Teddy Bears a remixé un des morceaux des Daft Punk dans un album qui s'appelle Tron Legacy Remix. Mm-hmm. Et il y a un des titres, je ne me rappelle plus, enfin, je peux te le retrouver, qu'ils ont remixé. Sous validation des Daft Punk, puisque l'album a été publié avec tout un tas d'autres artistes qui ont remixé des titres de... Pas Tron Legacy Reconfigured. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, la française. Ouais, ouais, non, mais ça me va très bien, moi. Ah oui. Et il y a un titre des Teddy Bears dedans. Adagio for Tron. C'est ça. Teddy Bears Remix. Mais d'ailleurs, tout l'album, là, de Tron Legacy revu et corrigé, il y a des bons morceaux dedans. Ah, puis tu vois, c'est sur des reprises comme ça aussi, tu peux découvrir d'autres artistes, du coup. Et c'est encore une compile. Mais c'est dingue. Tout est lié. Tout est lié. Tout est logique. Tout est en train de s'empiler. Tout est en train de se mettre en place pour le final. Ouais. Accrochez-vous. Donc on va continuer à s'avancer vers le final. Mais on va continuer avec Two Steps from Hell, Winterspell. Ouais. Oula. Winterspell, Dubstep. Oh putain. Je te hais parce que ça va être la première fois qu'on va passer le dubstep dans la playlist. Je album burn, mais. Dieu. Bon, je respecte ton choix. Ça, y a pas de souci. Pourquoi? Pardon? Je respecte ton choix, y a pas de souci, mais pourquoi? Parce que c'est un album que j'ai chié à trouver. J'en ai chié pour le trouver, en fait. Two Steps from Hell, donc c'est... J'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est... En fait, c'est deux. Il y a deux gars. Alors, il y a. Alors, tant que je te retrouve les noms exacts. Il y a Thomas Bergensen et le deuxième. Le deuxième, je vais avoir bouffé le. Je vais avoir bouffé son nom aussi, celui-là, tiens. Et Wikipédia m'aide pas. C'est bien la première fois que Wikipédia nous aide pas dans la playlist. Thomas J. Bergensen et Nick Phoenix. Ouais, bah ça doit être ça. Enfin, Thomas Bergensen, je le retiens parce que... Oui, c'est ça, Nick Phoenix. Parce qu'il a aussi des albums Merci solo. Merci Wikipédia. Il a aussi des albums solo qui sont très sympathiques. Et en fait, ces deux gars, ils composent des soundtracks. Comme ça, à l'appel. Enfin, à l'appel... Ils font des albums et des albums qui sont normalement destinés qu'aux boîtes de production qui viennent piocher dedans pour mettre en fond sur des bandes annonces de films, de jeux vidéo, de séries aussi. Je crois qu'il y a quelques titres qui ont été pris pour des séries. Et après, il y a certains morceaux, je soupçonne les boîtes de production de s'être inspiré de ces morceaux-là pour faire d'autres, pour l'avoir refilé à d'autres compositeurs. Et voilà, tu me fais une bande-son en t'inspirant de ça, parce qu'il y a des ressemblances avec des titres connus qui sont trop énormes pour être un pur hasard. Ouais. Il serait utilisé en tant que... Comme base, je pense. Hein. Base de monte... peut-être de comment ça s'appelle ? C'est un nom bien précis, comme ça. La musique qui est temporaire pour le montage, et on demande au compositeur de composer comme cette musique. Je vais peut-être dire une connerie, mais pas en line-up ou un truc dans le genre, non ? Non, j'ai plus le terme. Bon, ouais, c'est pas grave. Enfin, quelqu'un de cultivé trouvera la référence. Ça sert à inspirer, je pense. Je pense qu'il y a certains de leurs titres qui ont servi à inspirer d'autres grandes... des bandes-annonces de... Enfin, des bandes-sons de films et compagnie. Mais ouais, donc ces deux gars-là, ils sortent... Ils ont un nombre d'albums incalculable. Je sais pas, ils en ont peut-être une trentaine, peut-être même plus. Puis en plus, c'est des albums, c'est pas des albums qui sont commercialisés, donc c'est pas une douzaine de titres. Il y a des albums qui ont une trentaine de titres avec différentes versions, avec des chœurs, sans chœurs. Et à côté de ça, depuis quelques années, ils commencent à en vendre, où tu peux vraiment les acheter, mais il y en a même pas une dizaine, quoi, qui sont en vente. Et du coup, moi, j'essaye de récupérer tous les albums qu'ils ont fait, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ils sont pas en vente, donc à partir du moment où tu les télécharges, est-ce que c'est légal ou pas, je sais pas, puisque je peux pas l'acheter. Ah, est-ce qu'ils l'ont entre guillemets vendu aux boîtes de prod, donc c'est quand même vendu. Je sais pas s'ils les vendent ou s'ils donnent l'album aux boîtes de prod et la boîte de prod paye ce qu'elles utilisent. Je sais pas comment ça marche exactement après ce système là. Je pourrais pas te dire là. C'est vraiment spécifique comme truc. Ouais, mais il y a un paquet de groupes qui existent comme ça. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça groupe ou groupement d'artistes. Et puis ouais, Two Step From Hell, c'est dans les premiers que j'ai découvert dans ce style-là. Et puis ouais, ils ont fait un album qui s'appelle Burns, qui est tout des, je sais plus, il y a eu 7 ou 8 remixes en dubstep de certains de leurs titres qu'ils ont confiés à divers artistes pour faire un petit remix. Je me mords les gencives. Et cet album a été publié sous le nom de Two Step From Hell. C'est eux qui l'ont publié dans leur discographie. Ils s'y trouvent. Quand je vois les titres des autres albums, c'est très représentatif. Il y a Battle Cry, Archangel, Skyworld, Invincible, Classics... Illusions, c'est vraiment... T'as vraiment l'air des albums entre guillemets stéréotypés. Ah oui, oui, t'as... Une ambiance. Mais la pochette, en fait, en général, elle donne le thème. Tu sais que dedans, oui, tu vas voir... Y a un de leurs albums, t'as un masque à la 300. Tu sais, un casque... Bah, Invincible. Un casque guerrier à la 300. Dedans, t'as... rien que par la pochette, tu sens le thème, quoi. C'est des thèmes un peu guerriers. Freedom Fighters, Heart of Courage, Master of Shadows, Moving Mountains, A Mind of Tumor. Ah oui, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et voilà. Et en général, ouais, t'as une pochette, un thème, quoi. Mais ouais, non, c'est pareil. Ça, c'est j'ai une playlist avec plein de ces artistes et. Ça fait très bonne musique de fond, mais enfin, si t'as quelque chose à, enfin, si t'as un truc à, je sais pas, du texte à taper ou autre en musique de fond, ça passe très bien. Ça, t'as pas de paroles, donc tu cherches pas ça. Enfin, ça te monopolise pas la tête sur des paroles. Ça te perturbe pas, ça te pique pas ta concentration. T'as plein d'artistes comme ça qui sont pas connus, puisque la plupart du temps, la moitié des albums, ils les sortent pas. Donc, Et puis, cet album Burn, là, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. J'étais sur des sites où j'avais plus de chances de choper un virus que de choper l'album, l'album en lui-même. Il y avait des mots en russe un petit peu partout. Ouais, et puis un jour, j'ai réussi à le trouver, en plus en flac, donc j'étais heureux comme tout. Donc c'était une grande victoire pour moi. Et du coup, c'est un album que j'aime bien. C'est pareil, c'est une redécouverte d'un morceau. Après, ouais, c'est du dubstep. C'est pas non plus. C'est de la dubstep, quoi, je suis désolé. C'est pas le style que je vais écouter le plus souvent, loin de là. Mais voilà, c'est le résultat est pas catastrophique. Non, ça passe même très bien. Enfin, moi, chez moi, ça passe bien. De la dubstep, merde. Et ouais. Il fallait que ça arrive, mon bon, ça arrive partout. Ouais, il y a bien pire, là. Je suis content, c'est arrivé qu'en saison 2, c'est déjà ça. Bon, on va continuer, bah tiens, sur une série. Ouais. Murray Gold. Je crois qu'il a fait énormément de trucs. Donc The Long Song, sur la 7e saison de Doctor Who, enfin 7e nouvelle saison de Doctor Who, mais encore une version live, c'est aussi au Doctor Who Proms, c'est en 2013. Les Doctor Who Proms sont vraiment que j'aille un jour. Ça a l'air vraiment génial. Ah ouais, non. Mais le Proms, tu le trouves en intégralité sur YouTube très facilement. Alors, on va peut-être expliquer vite fait ce que c'est qu'un Proms. Donc, en gros, c'est où c'est, au, C'est le. Dans une grande salle mythique, ouais. À Londres, avec orchestre symphonique, chanteurs, etc. Et grande animation avec généralement les acteurs de la série qui animent la salle, etc. Qui font vivre cette ambiance de la série en delà de la série. Et c'est là où on se rend compte que Doctor Who, c'est vraiment un mythe. Ouais, bah ouais, et là pour les proms, là t'as un écran géant qui va diffuser sur ce morceau-là, en plus qui diffuse des moments clés de l'épisode où. D'où est tirée la chanson. Et puis ouais, dans la salle, t'as les Cybermen qui se baladent, t'as les anges. Enfin, c'est... Ouais, t'as toute une mise en scène dans le public et sur les écrans, au niveau de l'orchestre. Pour tout, il y a des enfants. Ah ouais, aussi, ouais. Bah oui, oui. Puis ouais, et puis ce morceau-là, ouais, il est... En plus, dans cette version-là, ouais, t'as les moments les plus forts en plus de l'épisode qui sont projetés. Tu les, enfin, là, ça y est, là, c'est pareil. Là, les frissons, c'est reparti. Là, c'est ouais, Doctor Who, c'est pas ma série préférée, même loin de là. Alors, il y en a peut-être qui vont gueuler quand ils vont m'entendre dire ça, mais ouais, c'est une série que je vais regarder quand j'ai plus rien d'autre à regarder, mois de juin, juillet, là, où toutes les grosses networks sont en pause. Et puis ouais, je vais me faire la saison complète qui est passée. Et ouais, Doctor Who, t'as des épisodes que je trouve pas terribles. J'irai pas jusqu'à dire que je me fais chier parce que c'est pas le cas. Et à côté de ça, mais t'as des épisodes, émotionnellement, t'as des effets spéciaux qui sont faits avec une ventouse à chiottes, mais derrière, t'as une musique qui est magnifique et ils arrivent à te faire passer des émotions grâce à la musique et puis aux acteurs, à l'histoire en elle-même. C'est de ce côté-là, cette série assez phénoménale, quoi. Et t'en oublies, ouais, que c'est du carton-pâte, quoi, derrière. C'est l'ascenseur émotionnel en classique. Ah ouais, non, c'est... Et ouais, je sais pas pourquoi, ouais, cet épisode-là, qui est dans les premiers épisodes avec Clara, qui est loin d'être mes préférés. D'ailleurs, je dois avoir au moins 2 saisons de retard, là, parce que cette année, j'ai pas rattrapé la saison qui était en cours, donc je dois être bloqué, justement, la saison 7. J'ai pas dû voir ni la 8, ni la 9, je sais même plus où ils en sont. Tu as vu The Day of the Doctor? Ouais, ouais, celui-là je l'ai vu. Le final, ouais, des 50 ans. Ça doit être dans les derniers que j'ai vus, hein, dans la chronologie de la série, je pense. Mais ouais, je sais pas, cet épisode et cette musique derrière. Et puis ouais, là, cette version au Proms où il te rebalance les images bien marquantes de l'épisode, ouais, c'est magnifique. C'est un épisode ultra spécifique où justement tu as une petite fille qui chante pour éviter entre guillemets la fin pour du réveiller, monde, je crois. Ouais, pour éviter de réveiller le que le démon se réveille et puis ben, le malheureusement le démon va se réveiller. Je me rappelle plus d'ailleurs exactement pourquoi il se réveille. Ouais, ça doit être encore une connerie du docteur. Ouais, il y a des chances, ouais. Ils se remettent à chanter. La petite fille se remet à chanter et t'as tout le parce que ça, t'as tout le public parce que c'est dans l'épisode t'as la petite fille chante devant toute une assemblée. Normalement, elle chante toute seule devant toute une assemblée pour empêcher le démon de se réveiller. Puis malheureusement, il se réveille et du coup là, t'as toute l'assemblée qui se met à chanter avec. La petite fille et le docteur qui va essayer de se sacrifier pour rendormir le démon qui en fait aspire les souvenirs des gens. Et donc le docteur qui se met devant le démon en disant bah, vas-y, si t'as faim de souvenirs, vas-y, j'ai vécu des années et des années, j'ai vu des mondes mourir, j'en ai vu d'autres naître. Et ouais, cette scène là où le docteur se sacrifie était projetée pendant les proms là. Et ouais, je sais, enfin, c'est ouais, émotionnellement c'est très fort et c'est pour ça que je continue à regarder cette série. C'est pour ces scènes là quoi. C'est vraiment pour ça. La revoir sur YouTube. Ah ouais, non, c'est un truc. Puis ouais, les scènes ont été très bien choisies là pour ce morceau là. C'est très fort. Puis ouais, t'as Clara aussi qui vient aider le docteur et qui sacrifie aussi le peu de souvenirs qui lui reste de ses parents. Non, non, ouais, c'est là où est la force du Docteur Who, c'est des effets spéciaux tout cheap, mais derrière, ils savent jouer sur l'émotionnel. C'est plus évoqué que représenté. Les Anglais, ils ont un humour qui est parfois discutable, j'accroche pas forcément, mais derrière ça, ils ont d'autres qualités et le Doctor Who bon exemple quoi. Mais au niveau série ils ont un vivier incroyable de trucs. Ouais. Après c'est des formats enfin que je trouve à la con à part Doctor Who qui a un schéma assez cadré sur certaines séries américaines, mais ils ont beaucoup de séries les Anglais avec très peu d'épisodes. Ouais, mais des épisodes de 45 minutes, une heure, un quart. Black Mirror, par exemple, qui a repris pour sa troisième saison. J'ai pas encore regardé ça. C'est des épisodes d'une heure et quart. Alors, attends d'être plutôt dans un mood très positif pour regarder Black Mirror. Et après, tu vas être ouais, très j'en ai souvent entendu parler en bien. Oui, c'est Utopia. Tu vas voir. Très bien Utopia aussi. Il faut plutôt être haut, quoi. Je crois qu'il n'y a que les Anglais qui savent faire ça. Là, la série qui va te... faire descendre dans les abysses de la déprime, c'est incroyable. Et ça, Doctor Who le fait très bien aussi. Dans mes saisons préférées, c'est celle avec Amy Pond, et il y a des épisodes, le centurion millénaire, là, où je sais plus comment il l'appelle, là, toute cette histoire là. Autour du Pandorica. Ouais, Pandorica, là, pareil, c'est le yo-yo émotionnel, puis même la fin du partenariat de... Reste vague. D'accord, bon. Enfin, bon. On va pas spoiler non plus, mais... Non, non, mais je voulais pas raconter, mais enfin, ouais, le passage entre Amy et Clara, donc le moment où Amy s'en va, c'est pareil, c'est... Il y a un truc, hein, c'est... Ouais, c'est... Je pense que c'est une des rares séries qui était des fois à deux fois de me faire chialer, quoi. À deux doigts de me faire chialer, hein. Alors qu'à côté de ça, à l'écran, ouais, c'est du carton-pâte et des ventouses à chiottes, quoi. C'est vraiment le décalage est énorme, quoi. Bah, les gros méchants, ils menacent les autres avec des ventouses à chiottes sur le pif, quoi. C'est des grosses salières avec des ventouses à chiottes. Mais t'oublies très vite les effets spéciaux kitsch, parce que derrière, il y a du boulot, il y a du boulot au niveau du jeu des acteurs, il y a du boulot au niveau du scénario, Il y a un acteur qui tire la série, quoi. Le docteur il tire la série à chaque fois. Et puis la musique derrière est quand même bien foutue, quoi. Elle est composée comme elle serait composée pour un film, quoi. Et il y a très peu de séries qui ont des musiques vraiment composées pour la série. Et sinon, tu as écouté toutes les bandes originales de Me Rigole Sauf erreur ou omission, ouais, je dois toutes les avoir, ouais. Toutes les... Tous les albums qu'il a fait là pour Doctor Who, ouais, normalement, je dois tous les avoir. Ouais. Même si c'est seulement numérique. Oui, ouais, seulement numérique. J'ai pas acheté. Si je devais acheter, c'est s'ils sortent un album du Proms là, de 2013. Là, par contre, là, ouais, là je prends. Là. Peut-être dire une compilation. C'est une déformation. Ouais, c'est ça. C'est une compilation, mais avec une orchestration bien particulière quand même. Donc, c'est une compilation, mais un remix des thèmes originaux. Non, mais c'est cohérent ce que tu dis depuis le départ, en fait. Ouais, bah ouais, j'essaye, ouais. Alors, ce qui va être un peu moins cohérent, c'est ce qui arrive, en fait. Parce qu'on a fait les 10 titres, ça y est. D'ailleurs, bon, le 11e. C'est le titre de la honte. Non, tu restes, tu reviens. Parce qu'il va falloir assumer. Parce que tu me l'as. Tu vas le dire. Et puis, je vais lancer la musique. Ouais. Mais je vais faire une petite mise en situation quand même, parce que je peux pas balancer ça comme ça. Bon, alors, faut vous imaginer, vous avez une semaine très difficile. Le vendredi soir arrive, vous en avez plein le cul, pour rester poli. Et puis là, vous avez envie de lâcher du lest, de poser le cerveau, et de plus réfléchir. Donc, voilà. Et du coup, vous êtes heureux, vous êtes en week-end, donc du coup, on peut mettre Lori maintenant. Quelle horreur. Pourquoi? Pourquoi? Honnêtement, c'est une connerie Twitter. C'est vraiment comme je l'ai présenté, c'est une semaine où j'en avais chié comme pas possible. Le week-end arrivé, J'étais content de débaucher. Et ouais, vraiment, envie de tout jeter et puis ouais, de faire carrément autre chose. Et puis je sais pas pourquoi. Te lancer dans une carrière dans la chanson. Et puis ouais, je sais pas pourquoi. Cette chanson m'est venue à la tête. Et du coup, je l'ai balancée sur Twitter. Et puis petit à petit, en fait, c'est devenu une habitude de la balancer régulièrement les vendredis. Bon, je l'ai perdu hein, depuis. Hein. Mais à une époque, c'était devenu une habitude de la balancer tous les vendredis en débauchant. Et ce qui fait qu'en fait, je l'ai quasiment jamais écouté en entier. Mais rien que le début, c'est le week-end. De toute façon, c'est une chanson con, quoi. Ça illustre bien ce que ça veut dire. Ah non, mais tu te dédouanes autant que tu veux, tant que t'assumes. Oui, non, mais tout à fait. Mais ouais, non, t'es... Enfin... C'est... Alors, tu as tous les albums de Lori, bien sûr, depuis que j'ai toutes week-end, les compis, tous ces concerts. Non, faut pas déconner non plus. Hein. Toutes ces collaborations. Tu lâches les soupapes, Puis ouais, de toute façon, faut pas réfléchir pour chanter une connerie pareille. Puis depuis, tu as gardé la positive attitude. Ouais. Ah mais je... Un grand fan alors. Grand fan de Raffarin, bizarrement, ça a beaucoup joué. Non, c'est vraiment la chanson des fouloirs de fin de semaine, c'est vraiment, ouais, c'est la chanson à la con, quoi. J'ai un défi pour toi, est-ce que tu pourras gratifier tes gentils covoituriers pour descendre à Podrenne de cette magnifique chanson? Ah, ça doit pouvoir se faire, ouais. Je dois pouvoir négocier la connexion Bluetooth à l'autoradio, je pense. Hein. Et balancer sournoisement. Voilà, je pensais à ça. C'est vendre le truc avec d'autres titres bien sympas et d'un seul coup, paf! The Lifetime of Scrooge et Lori. Challenge accepted. Je pense que là, on a... C'est vachement bien, c'est qu'il y a en gros 3 personnes qui vont être en courant. À peu près autant de nombre d'auditeurs, c'est très très bien. Par contre, il faudra que tu reviennes pour nous le dire. Ouais, oh bah... Donc j'ai été obligé de faire ce hors-série sur Metal Nord. Ah, c'est dommage. Je serais obligé de revenir, du coup. T'es pas le premier à me faire le coup, de toute façon, je suis mort. Ouais, puis je pense qu'on doit pouvoir trouver d'autres personnes pour ça. Oh oui, je crois qu'il y a un chevenu dans l'équipe qui doit bien aimer aussi. Mais ça va se trouver, c'est pas le problème. Bon, ça y est, tu as assumé 10 titres plus 1, c'est fini. Est-ce que ça a été compliqué de faire ta playlist? Au début, oui. Au début, oui, parce qu'en fait, les 10 titres, tu les as très vite. Mais c'est pour t'arrêter à 10, en fait, que c'est compliqué. Et puis, c'est à force d'écouter ceux qui sont passés avant moi. où je me suis dit, ben en fait, faut que je vais jouer la carte de la découverte, essayer de faire découvrir des titres et des artistes dont on n'entend pas forcément parler, ou des versions de chansons qu'on connaît pas forcément. Et puis ben, du coup, là, ça m'a simplifié un peu les choses, en fait. C'est... Cette remarque sera coupée au montage, il ne faut pas vous simplifier la tâche. Ça doit être difficile. Ah non, mais c'était difficile quand même, parce que... Ah, merci. Parce que, tu vois, l'album Picsou, fallait que je mette un titre, mais lequel ? Voilà, c'est... parce que sinon, rien qu'avec cet album-là, Bah déjà, il fait plus de 10 titres, donc déjà, il faut en supprimer un. Donc de toute façon, c'est compliqué. Tu peux pas mettre que cet album-là, t'es obligé d'en virer un. Qui sait, peut-être dans un hors-série bande originale de bande dessinée de Picsou, on mettra tout. Je sais pas. Ouais, bah ouais, 11 titres, allez, ouais, ça fait un de plus. Peut-être se négocier. Nah. Non, mais ouais, j'ai joué la carte de ouais, essayer de faire découvrir des trucs que je juge pas très répandus. Et ça m'a simplifié, disons que ça fait du tri dans les titres que j'avais au départ. Ah, t'es pas du tout parti en mode biographie. Un peu comme Kikrine qui avait repris des titres correspondant à certaines étapes de sa vie. Je te dis, il y a certains titres dans les premiers, là, c'est une période qui m'a fait découvrir pas mal de musique. C'est forcément lié à quelque chose, à un souvenir ou autre. Mais après, c'est pas forcément dans l'ordre chronologique où je les ai découverts. T'as fait une compile, quoi. C'est... Le mot d'ordre, c'était compile. Je pense que tu as bien réussi. Donc, je vais te remercier de m'avoir accordé ces quelques 2h20 déjà qu'on aura enregistré. C'est avec plaisir. Et on te retrouve où sur Internet ? Sur Twitter, assez facilement, @lemilou. Surtout que maintenant que tu ne tweets plus tous les vendredis, le week-end de Loris, vous pouvez de nouveau le follower. Je peux recommencer. J'aurais peut-être quelques rappels. Bah déjà demain, t'es obligé. Mais ça va être plus restreint, mais remarque, je peux peut-être même le coupler avec un périscope, faut voir. Tu me mentionnes, je veux le voir. Faut voir si... Ah, je sais pas si je peux diffuser en Bluetooth et périscoper en même temps. Je suis pas sûr. Bah, tu demandes à un de tes collègues de faire un périscope. Ouais, il faut que j'en mette un dans la combine. Ou alors, pendant qu'ils font un périscope, ce qui risque de se produire. Je vais réfléchir à tout ça. Je te laisse gérer. De toute façon, ce sera publié après, donc t'auras un alibi. Ouais, puis on est un peu de route, donc ça devrait avoir le temps. Donc Twitter. Ouais, Twitter, @lemilou. Oui, parce que Milou tout court, il y a un Kleps qui m'a piqué le compte. Il est beaucoup moins célèbre que toi. Ouais, c'est vrai. Non, mais ouais. Il a pas dit grand-chose, hein, de toute façon. Par ouf et pigreux. Ouais, non, c'est pas... Pas très avancé. Et puis bah, sinon, ouais, sur le compte du FMICast aussi. Alors, c'est quoi le FMI Cast ? Parce que je connais que de noms, mais alors quand je vois FMI, ça me fait très bizarre. Ouais, mais y en a qui nous ont dit, mais pourquoi vous changez pas de nom ? Ça correspond pas forcément à ce que vous faites. Mais ouais, mais non, on l'aime bien. On l'aime bien. Qu'est-ce que c'est le FMI Cast ? Le FMI Cast, à la base, c'est deux amis d'enfance. On se connaît depuis 1986. Oula. Avec Fabien, c'est un ancien Parisien qui est venu s'expatrier en Limousin, mais depuis tout petit, il venait avec ses parents en vacances dans le Limousin, donc on passait tous nos étés, et à chaque fois qu'il venait, on faisait les 400 coups ensemble. À la fête, il t'expliquait ce que c'était que l'électricité, l'eau courante, tout ça, c'était formidable. Non mais ça se passait bien jusque là. Ouais, puis moi je faisais voir ce que c'était de l'herbe, des vrais légumes qui poussent dans de la vraie terre. Non, et puis en plus à l'époque je venais qu'en vacances moi aussi. Donc mais ouais, on se connaissait depuis 1986. Et puis après il y a eu le lycée, donc on s'est un peu perdu de vue et il est revenu il y a quelques années s'installer dans le coin. Et puis je lui ai fait découvrir moi le podcast. Parce qu'il C'était un fan du PSG en plus. Ah, oh, un fouteux. Un fouteux. Donc ouais, je l'ai initié au podcast et puis ben un jour en bonne résolution au mois de janvier là après les vœux, il dit ouais ça te dit pas on en fait un. Ouais, 15 jours après, on enregistre un pilote qui a jamais été diffusé. Il faut jamais diffuser les pilotes, absolument jamais. Ouais. Enfin, il est planqué sur le site. Il y en a qui cherchent, il y en a qui l'ont trouvé. Ah. Et puis ouais, puis on lançait le FMICast, donc on parle et de tout ce qui est culture geek, pop culture. Alors ça dépend, il y en a qui aiment pas le mot geek, il y en a qui aiment bien, enfin bref, ça dépend qui le dit, je crois, en fait. Ouais. Et puis le sport, alors voilà, c'est on a remanié un peu là. Le quoi année. De sport. Le quoi? De sport. Le truc qui fait transpirer. Ouais, c'est ça. Oh, c'est nul. Fabien m'a fait découvrir pas mal de sport parce que lui, il en fait surtout sur le canapé. Ah bon, ça va. Mais ouais, il fouille des fois, il en fait découvrir. Je connaissais même pas, je savais même pas que ça existait, quoi. Donc voilà, et puis ouais, on a remanié un peu là, parce que jusque là, on s'arrangeait pour faire, parce qu'on fait une émission par mois et on faisait une émission avec le thème principal où c'était plus ou moins ancré dans la culture geek, où on faisait découvrir une initiative de la région. Et puis le mois d'après, c'était un dossier sport et ainsi de suite. Et puis là, cette année, on a modifié un peu parce qu'il y en a qui nous disaient « Ouais, c'est bien, mais du sport, il n'y en a pas tout le temps. » Il y en a qui demandaient. Ah, les vicieux. Donc du coup, on a intégré depuis cette année ils font des news sportives, mais pas, ils ne donnent pas les résultats. Parce que de toute façon, comme on fait qu'une fois par mois, si c'est pour avoir les résultats un mois après. Mais ouais, enfin des actus autour du sport, de ce qui se passe un peu. Et après, bah, de temps en temps, il y aura toujours des dossiers sport. D'actu sur les nouvelles technologies, mais d'une façon, parce que j'ai des incultes moi en face de moi, c'est moi qui fais les news, mais il y en a qui ont des Windows Phone, donc c'est pour dire un peu le niveau, quoi. Oh, c'est moche ça. Oh, c'est un coup bas ça. Ou qui m'envoient leur visuel pour l'émission, ils m'envoient autant de mails qu'il y a de visuels, enfin bref. Je salue quand même Lifestyle, les pauvres. Ils vont peut-être continuer après la mort de du Windows Phone, je sais pas. Ouais, d'ailleurs, je vais en rencontrer quelques-uns là, dans le week-end. Oui. Et puis après, ouais, tout ce qui est série, actu série, cinéma, ça aussi, on en traite un peu. Et puis voilà, puis après toutes les conneries qu'on peut trouver sur le web. Et voilà, en général, c'est des émissions qui sont assez longues. Ouah, 4h47 et 39 minutes. Ouais, d'accord. Ouais, c'est entre 3 et le record, ça va être 5h, 11 minutes et 22 secondes de mémoire. Sur 5 saisons. Ouais, mais ça va, c'est une bonne moyenne. Ah, bah ouais, non, en général, ouais, c'est une bonne ambiance. Jusque-là, parce que de temps en temps, on essaye d'avoir des invités, donc des personnes qui sont tout à fait extérieures. Des fois, enfin, même souvent au monde du podcast et à l'univers geek et compagnie, parce qu'on a reçu, l'année dernière, on a reçu un gars du service commercial d'une laiterie. Ah oui. Eh ouais. Mais qui ont une approche des réseaux sociaux et du community management qui est assez sympa. Et donc le gars a débarqué sans. Je lui avais envoyé des liens avec quelques émissions qu'on avait fait. Il n'a pas écouté les 4h47. Et ouais, non, il avait même pas écouté ni quoi que ce soit. Donc ils avaient dit qu'il venait, donc il est venu et depuis on s'est recroisé et il en garde un très bon souvenir. Donc de ce qu'il s'en souvient. Oh non, je pense qu'il s'en souvient très bien. Hein. non, il en garde un bon souvenir. Donc voilà, mais ouais, la plupart du temps, de toute façon, ceux qui viennent et qui sont extérieurs à la petite bande qu'on est, la plupart du temps, ils débarquent là-dedans, ils ont pas écouté, quoi. Et jusque-là, personne ne s'est barré avant la fin, ou alors c'était prévu. Il nous dit, ouais, bon, bah, je peux venir à telle date, mais par contre, j'ai d'autres obligations derrière, donc... Mais jamais il y en a un qui nous a dit « Bon, ben là, je me casse, faut que j'y aille. » Donc voilà. Bon, et ben je vais te remercier encore une fois d'être venu. Mais oui, mais je vais te remercier encore une fois de m'avoir accepté dans la playlist. Il faut écouter Von Canto. Il faut. Écoutez-le. Je mettrai le lien. C'est obligé. Il faut vraiment. Sinon, vous pouvez retrouver la playlist sur un truc que j'ai pas noté. Mais normalement, ça doit être la-playlist.podcloud.fr. Sur le Twitter, @la_playlist. Pas de Facebook, parce que je me casse les pieds. Et sinon, vous pourrez retrouver la playlist de Lemilou sur le compte Spotify de pas la playlist, le mien. De toute façon, je l'utilise pas. Mais je vous mettrai le lien de la playlist sur Spotify pour que vous puissiez y aller sur Spotify. C'est beau la technologie. Je sais pas si on peut faire la même chose avec Deezer, je vais même pas chercher. Je sais pas, on peut faire la même chose avec Apple, je peux t'envoyer le lien en plus si tu veux. Je le mettrai, oui. Ouais, de toute façon, Il y a des gens qui élèvent des pingouins, qui utilisent des appareils Apple et puis qui écoutent ça. Beaucoup Walter. Je sais qu'on peut les partager, je peux la régler en public et... Et je sais que ça marche puisque je l'ai déjà fait pour d'autres. Donc, il y aura pas tout, bien sûr, mais au moins il y aura le principal. Ça, c'est sûr et certain. On va s'arrêter avant d'arriver à 4h47. Donc, moi, je vais te souhaiter une bonne nuit. Bonne route. Il faut que j'aille bosser déjà demain matin. Et puis après, ouais. Oui, ce serait déjà une bonne chose, oui. D'ailleurs, il faut que j'aille finir de faire mon sac aussi. Je vais éventuellement te dire la prochaine fois, comme les auditeurs, vu qu'il y a peut-être hors série métal nordique, tout ça. Ouais. Dans le futur 2017. Okay, pas de problème. Mais on se verra plus tard. Allez, salut. Merci, salut.